La conception d'un enfant, je suppose que, bon, il y a sûrement des guides ou des... c'est un travail bien important. C'est sûrement, je veux dire, au niveau des entités vitales, c'est sûrement surveillé au niveau de... au moment de la conception, puis durant les 9 mois qui suivent. Alors, pourrais-tu nous parler je veux dire, de ce travail ésotérique là, qui se fait au tout début, lorsque l'homme, je pense, j'ai l'impression, il pense qu'il est autonome au niveau de sa sexualité, parce qu'il faut parler de conception avec... mais je pense qu'il n'est pas si libre que ça. C'est une place qui n'est pas autonome, c'est bien au niveau de la sexualité, oui. Parce que, je veux dire, on va voir des choses qui se passent quand même. On va voir des femmes quand même qui ont eu des ligatures de trompe, tu sais, après 4-5 ans, puis qui, à un moment donné, tombent enceintes. On va voir d'autres couples qui veulent avoir des enfants, puis qui ne peuvent pas en avoir. Alors, on voit que l'homme n'est pas si autonome à ce niveau-là. Maintenant, l'ésotérisme de la conception, c'est quelque chose qui a toujours échappé à l'homme et à la femme. La femme croit avoir elle-même ses propres mécanismes qui vont lui permettre d'enfanter. La femme est le réceptacle, on le sait. D'ailleurs, l'homme s'est souvent permis de dire que la femme était son inférieure, justement parce que la femme n'est qu'un réceptacle. Et l'importance d'une race va dépendre de l'importance de sa progéniture. Maintenant, on ne conçoit pas un enfant et surtout on ne conçoit pas la conception de l'enfant comme on devrait le concevoir. Ésotériquement parlant, pourquoi des enfants? Pourquoi, premièrement, l'homme, la femme doit-elle naître et mourir? Et c'est seulement parce que l'homme est mortel qu'il n'y a pas géniture. Si nous serions immortels, on aurait l'air fou. Parce que déjà là qu'on meurt, puis on meurt même, on s'organise même pour s'entretuer, on arrive à 4,8 milliards d'individus. Et si, au rythme où ça va là, si ça continue comme ça, en l'an 2300, le poids de l'humanité va être supérieur au poids de la planète. Ce qui est impossible. Donc, à un moment donné, il n'y aura plus d'enfants. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'il se passe quelque chose. Ne plus y avoir d'enfants, ça c'est complètement impossible aussi, parce que c'est l'évolution, la progéniture fait partie du plan même de l'évolution de la race. Et quand je parle d'évolution de la race, je ne parle pas comme Darwin. Je parle de l'évolution ésotérique, de l'évolution réelle de l'homme sur la planète Terre, ou encore de l'évolution de la planète dans son système, ou de l'évolution du système dans la galaxie. Donc, veut pas où l'homme va devoir mourir pour permettre à l'enfantement d'enfants qui seront plus évolués, ou il n'y aura plus d'enfants. Mais l'homme, présentement, n'est pas encore prêt à vivre l'immortalité, une immortalité contrôlée de par lui-même. L'homme rêve de vivre une immortalité qui sera chimique, médicale, pour employer un terme moins peurant. L'enfant, c'est quelque chose qui, déjà à la naissance, est la réincarnation du corps physique des parents et des ancêtres. Si l'enfant naît avec les yeux bleus, c'est que dans ses ancêtres ou dans ses parents, il y a eu quelqu'un qui avait les yeux bleus. Un Mongol, disons un Chinois, pour ne pas, disons, mélanger avec la maladie qu'on désigne sous le Mongol, disons, le Chinois, la race jaune, lorsque l'enfante, elle enfante un enfant qui ressemble à la race jaune. Un noir va enfanter un enfant noir, sauf lorsqu'il y aura certaines pathologies qui pourront déterminer une peau blanche, complètement blanche, blanche comme ma chemise et non pas blanche comme notre peau qui n'est pas blanche, et des yeux rouges comme un être albinos, par exemple. Alors donc, le noir enfante un noir, le jaune enfante un jaune, et vous enfantez des enfants qui ressemblent à la race blanche, nord-américaine, teutonique. Si un noir se mélange avec un blanc, on a un métissage. C'est-à-dire qu'on va avoir un enfant qui va avoir des correspondances noires et jaune, blanche ou rouge, dépendant évidemment de la race avec laquelle le noir va enfanter. Donc, dans l'enfantement, il y a un processus qui s'appelle la génétique et qui devrait du moins déterminer l'accouplement. Présentement, l'homme s'accouple par amour. Mais prochainement, l'homme découvrira une nouvelle forme d'amour qui ne sera pas un amour psychologique, mais un amour mental. Et lorsque l'homme se réunira, quand je parle de l'homme, évidemment, j'emploie le terme français qui désigne l'homme et la femme. Lorsque l'homme se réunira suite à l'attraction dégagée par l'amour mental, ce sera une chose totalement différente au niveau des conceptions des enfants, au niveau de toute l'évolution de la planète, sera totalement différent de l'amour psychologique, de l'amour émotif, de l'amour astral, qui présentement force deux êtres humains à se lier ensemble. La sexualité, elle a premièrement un attrait vital, c'est-à-dire que l'homme, psychologiquement, en a besoin pour son équilibre. Dans la réalité des choses, l'équilibre de l'astral, l'équilibre de la psychologie de l'émotivité, du désir, cet équilibre qui n'est en réalité qu'un schéma d'inéquilibre, hein, c'est complètement distorsionné. L'homme n'est jamais équilibré psychologiquement. L'homme aime une chose et le lendemain, il la déteste. L'homme veut quelque chose, en fin de compte, il s'en fout. Un enfant veut un jouet quand il lui donne, deux jours après, il en est tanné. Alors, il n'y a pas d'équilibre psychologique. L'équilibre psychologique, elle apparaît dans l'homme. L'homme a l'impression d'un équilibre psychologique lorsque sa psychologie, qui est sans cesse changeante, peut sans cesse être exprimée. Là, il y a équilibre. C'est-à-dire que tu veux un nouveau jouet, je te le donne. Puis quand t'en es tanné, tu le mets de côté. T'en veux un autre, tu l'as. Tout est équilibré. C'est l'harmonie parfaite. Mais vu que l'extérieur n'est pas manipulable par la psychologie de l'homme, elle l'est de temps en temps, lorsque tu défends ton char à foudroyage parce que ton char fonctionne pas, tu manipules l'extérieur par ta psychologie, mais tu ne manipules pas l'univers. Donc, à un moment donné, tu arrives toujours à être un moment en état où tu découvres que tu n'es pas en équilibre émotif. Ta femme t'abandonne, ton mari t'abandonne, tu recherches l'équilibre émotif. Et si ta femme, tu réussis à la manipuler suffisamment pour qu'elle reste, tu es en équilibre. L'équilibre émotif n'existe pas. C'est une illusion de l'homme. Et l'homme le sait fondamentalement qu'il n'y a pas d'équilibre émotif, ce qui fait qu'il recherche continuellement une sécurité émotive. C'est-à-dire qu'il essaie de s'assurer que l'illusion de l'équilibre émotif, ben, il le gardera plus longtemps. L'homme est continuellement en perturbation émotive. Mais de temps en temps, un processus inverse va s'opérer. C'est-à-dire que l'équilibre, l'astral de l'homme, l'émotivité de l'homme, est exprimée par le corps physique. L'homme émotif va rire, l'homme émotif va rougir, l'homme émotif va embrasser, l'homme émotif va serrer, l'homme émotif va tout brocher. C'est-à-dire que l'homme exprime continuellement son émotion par son corps physique. Ce qui fait que l'émotion de l'homme perturbe le corps physique. Autrement dit, tu es stressé, tu as des ulcères à l'estomac. Tu es stressé, tu as des palpitations. Tu es stressé, tu as des tremblements. Tu as les mains moites. Tu es en extase. Psychologiquement, tu veux posséder quelque chose et tu te sers de ton corps physique pour pouvoir posséder la chose. Présentement, qu'est-ce qui voulait venir ici ce soir? Vos corps physiques ou vos cerveaux? Mais vos cerveaux se sont déplacés en manipulant le corps physique et vos jambes ont servi à déplacer votre cerveau jusqu'ici dans la salle. Et ça paraît comique, mais c'est le processus qui se passe. Lorsque c'est l'émotion qui vous amène quelque part, alors là, ce n'est plus l'intelligence dans le cerveau, mais l'émotion dans une partie du cerveau et dans le reste du corps qui se sert du corps pour déplacer le corps vers un endroit où l'émotion pourra s'exprimer. Et l'émotion s'exprime autant dans la colère que dans l'amour. L'émotion, on a une émotion de colère, une émotion d'amour, mais l'émotion doit vivre. L'émotion se fout réellement de savoir si tu es heureux ou malheureux. Elle doit s'exprimer. Et dans l'identification égoïque de l'homme, il y a une partie de lui qui recherche surtout le bonheur. Et recherchant le bonheur, il a peur de ne pas avoir ce bonheur, donc il vit déjà le malheur. Le bonheur et le malheur sont reliés ensemble. L'homme émotif se sert de son corps et perturbe son corps. Mais pour perturber son corps, il doit perturber l'énergie vitale. L'énergie vitale, c'est quoi? C'est premièrement l'énergie sexuelle. C'est l'énergie qui transmet la vie. Et c'est aussi l'énergie qui anime votre corps. On a la matière physique, la matière dense, la forme, le corps. Le corps, mais ça aussi, c'est du corps. L'énergie vitale d'une forme solide est tellement involuée, c'est-à-dire que son taux de vibration est tellement bas qu'il ne permet que de garder la forme mémorielle à la chose. L'énergie vitale hautement évoluée permet la vie, donc la transformation de la chose selon un rythme, selon un programme prédéterminé qui s'appelle la génétique. Et l'énergie vitale, elle a un rôle primordial à jouer dans la génétique. Donc, lorsqu'une plante va pousser, elle va subir l'effet, la perturbation vue par la matière, la perturbation de l'énergie vitale, et elle devra se transformer selon un programme préétabli, selon une photo, selon la génétique. Donc, si on prend une graine d'olive, on la plante, automatiquement, elle devra germer et produire un olivier. L'énergie vitale l'anime, mais elle reste cadrée dans une mémoire type l'olivier. Si l'énergie vitale perturbe encore plus la matière, donc l'énergie vitale est encore plus hautement vibratoire, il pourra animer et permettre le déplacement. C'est ce qui est l'apanage des animaux et des animaux qui vont recevoir l'énergie germinale pour en faire les humains. Cette énergie vitale, on la récolte en mangeant, on la récolte en respirant, on la récolte par le soleil, l'énergie solaire, l'énergie tellurique. On la récolte de plusieurs façons. Et cette énergie vitale, elle a comme fonction de permettre une transformation de la matière sans qu'il y ait perturbation de la matière de façon à empêcher l'énergie vitale de s'exprimer. Cela veut dire que l'énergie vitale, on pourrait l'appeler la santé. La santé, elle a comme fonction de conserver le corps physique de façon à ce que la santé reste dedans. Lorsque le corps physique est transformé, la santé ne peut plus résider et l'énergie vitale est perturbée car elle ne peut s'exprimer complètement selon son plan d'origine. Il y a donc maladie physique. L'énergie vitale, elle va créer la vie, c'est-à-dire que lorsqu'on a une relation sexuelle, on transmet de l'énergie vitale et un peu de matière. La matière va être, par exemple, les spermatozoïdes et quelques autres substances qui vont permettre la vie, disons, du spermatozoïde. Mais ce qui fait que le spermatozoïde peut engendrer la vie, c'est-à-dire obliger la matière de la femme, l'ovule, à se transformer pour créer un être humain, ou un être, si c'est un animal, c'est l'énergie vitale. Et ce n'est pas le spermatozoïde. Mais je fais comme je le tenais par la queue, par le flagelle, là, mais disons, ce n'est pas le spermatozoïde. L'énergie vitale, elle peut de temps en temps perturber l'énergie psychologique, l'énergie émotive. Lorsque l'énergie vitale perturbe l'énergie émotive, qu'est-ce qui se passe chez l'homme? Chez la femme. Qu'est-ce qui se passe? Pense simplement ceci. L'énergie vitale a une tendance à vouloir transformer l'énergie de l'émotion selon un cadre qui permettrait à l'émotion d'être équilibrée, d'être en harmonie. Mais l'énergie émotive a peur. Et l'énergie émotive refuse l'équilibre. Elle refuse l'équilibre qui lui serait donné par quelque chose d'extérieur à elle. L'homme qui a trop d'énergie vitale est un homme qui lentement voit sa psychologie se transformer. Et pour éviter cela, l'homme psychologique va chercher dans ses mémoires des expériences où l'énergie vitale joue un rôle prépondérant, et il ira donc chercher l'extase sexuelle. Donc, il verra dans ce trop d'énergie vitale une solution tout à fait psychologique, non pas pour équilibrer l'énergie psychologique, mais pour nourrir l'expérience psychologique. Donc, l'homme qui a trop d'énergie vitale va donc essayer de se lancer dans une sexualité. Alors, soit la femme, soit l'homme, elles auront besoin de relations sexuelles. De relations sexuelles ou d'expressions sexuelles. Alors, par relation, par masturbation, par plusieurs autres phénomènes qui peuvent être visuels, auditifs, ou plus directement corporels. Donc, la psychologie qui pourrait être transformée par le feu de l'énergie vitale se voit dominer l'énergie vitale pour pouvoir s'en nourrir par une expérience qui sera donc la relation sexuelle. Et lorsque l'on enfante par amour psychologique, on ne peut pas enfanter d'une façon correcte. C'est-à-dire qu'on ne connaît pas les mécanismes de la conception. Donc, on va concevoir un enfant qui est, disons, donné par le hasard. C'est hasard, je peux me permettre de dire hasard, parce que la personne qui a conçu l'enfant, les deux personnes qui conçoivent l'enfant, n'en connaissent pas les mécanismes. S'ils n'en connaissent pas les mécanismes, ils y vont aveuglément, bon, par hasard. Lorsqu'un chien rencontre une chienne, ils ont des chiots. C'est par hasard. C'est-à-dire que c'est pas par hasard. Il y a des mécanismes mathématiques qui vont régir la couleur du poil des chiots, leur grandeur, leur forme, leur métissage, si c'est un berger allemand avec un caniche. Bon. Alors, donc, ce n'est pas du hasard. Mais par rapport aux caniches et aux bergers allemands, ce sont du hasard. Ils ne connaissent rien, ils ont des chiots, puis ils ne savent même pas pourquoi. L'être humain fait une relation entre la relation sexuelle et l'enfantement. Mais sachez qu'en Polynésie, longtemps, l'homme ne faisait pas de relation entre l'enfantement et la relation sexuelle. Alors, on a beaucoup d'enfants, évidemment. Je replace encore ces choses. Juste avant que tu ailles un petit peu plus loin, Daniel, tu veux-tu dire que comme les cellules originelles, qui sont le spermatozoïde et l'ovule, ont un pouvoir beaucoup plus grand que les autres cellules? Évidemment. Donc, ils peuvent se rendre. Surtout le spermatozoïde, et ce n'est pas parce que l'homme est supérieur, mais surtout le spermatozoïde qui est déterminant dans le sexe. L'ovule reçoit. On va revenir là-dessus. Lorsque l'énergie vitale, donc, perturbe, essaie d'harmoniser l'énergie psychologique s'en défend bien et va perturber l'énergie vitale pour pouvoir exprimer une sexualité, c'est-à-dire pour pouvoir créer une expérience sensitive tellement puissante qu'elle nourrira d'une façon certaine la psychologie de l'homme. Donc, l'homme recherche l'espace sexuel, l'homme recherche, essaie même de diviniser le sexe pour lui, pour se convaincre, pour éliminer une culpabilité qui lui permettrait un jour de découvrir la perte d'énergie reliée à une trop grande fréquence de relations sexuelles. L'énergie sexuelle, elle peut aider l'homme à évoluer, on en a déjà parlé au moment donné en conférence, par différents processus qui sont extrêmement dangereux. Mais elle aide l'homme à évoluer de toute façon, lorsque tu enfantes. Lorsque l'énergie émotive vient perturber l'énergie vitale, tu auras donc une trop grande fréquence de relations sexuelles. Et lorsque l'énergie vitale, l'énergie sexuelle, disons, vient perturber l'harmonie astrale pour l'harmoniser, il y a encore une fois une guerre, une crise. L'homme n'est pas sexué pour s'amuser. Sur un certain continent noir, la Lémurie, à un moment donné, l'homme s'est amusé dans la sexualité. Il a gaspillé son énergie vitale et il a perdu plusieurs possibilités qui étaient reliées à l'évolution de son corps physique par l'intermédiaire de la génétique. Ce faisant, cet homme a créé un karma au niveau de la Terre et qui est l'apanage des maladies vénériennes présentement au niveau de la planète. La maladie vénérienne, tu ne peux la recevoir que si tu es en relation avec un individu qui la possède. Peux-tu croire qu'Adam et Ève ont été créés qu'une maladie vénérienne? Sinon, comment ça se fait qu'elle existe en planète si tu ne peux pas la contracter autrement qu'en touchant quelqu'un qui l'a déjà? Mais qui l'a eu le premier? Adam ou Ève? Sinon, elle n'existe pas sur la planète. C'est Vois-tu, dans la génétique de l'homme, dans son évolution, lorsque certaines choses sont trop perturbées, il y a des mutations. Et lorsqu'il y a des mutations, et la mutation est reliée à la génétique, et est donc régie par l'énergie vitale, lorsqu'il y a mutation, on engendre donc de nouveaux phénomènes, dont des maladies. On a la pneumonie, on a différentes maladies qui sont reliées à d'autres karmas qui ont été découverts, enfin qui ont été créés sur le continent atlantéen, et l'énergie sexuelle a été dilapidée au niveau de la Lémurie, ce qui a créé un karma, c'est-à-dire ce qui a engendré une mutation chez certaines personnes qui n'ont plus donné des maladies qui, lentement, ont été, par évolution de la maladie, se sont développées en maladies vénériennes. Une autre partie de l'énergie sexuelle a servi à la création du cerveau. Pendant un moment donné, pendant un certain temps, l'homme était unisexué, c'est-à-dire hermaphrodite. L'homme était avec les deux sexes. Et l'homme était capable d'engendrer par plusieurs moyens qu'on va laisser tomber présentement. Et à un moment donné, l'homme s'est vu retirer la moitié de son énergie sexuelle pour construire le cerveau. Ce qui a obligé l'homme à devenir bisexué, c'est-à-dire sexué. C'est-à-dire que la moitié de mon énergie sexuelle servant à construire mon cerveau, l'énergie vitale, je n'étais pas suffisamment puissant en énergie vitale pour pouvoir transmettre, pouvoir procréer. J'ai donc dû m'accoupler à une autre moitié d'énergie vitale qui était en train de fabriquer son cerveau, et ensemble, on avait le capteur vital suffisant pour engendrer. Ce qui a amené la sexualité. L'énergie vitale, lorsqu'elle ne sert pas à la sexualité, elle sert donc à développer, à harmoniser l'énergie psychologique et à développer le contingent mental. C'est pourquoi, mal compris, plusieurs religions, plusieurs sectes, doctrines se sont voués à ne jamais transmettre par la sexualité. Donc, ils appelaient ça la chasteté. Maintenant, forcer l'énergie sexuelle à ne pas s'exprimer selon les lois qui sont corporelles, c'est nuisible. Lorsque la psychologie décide de faire un vœu de chasteté, ce n'est pas naturel. Lorsque la psychologie décide d'avoir une relation sexuelle pour s'amuser, ce n'est pas naturel. La chasteté va aider l'homme à évoluer. Sauf si l'homme, évidemment, se croit chaste, mais ne l'est pas. Ce qui est le cas de plusieurs personnes qui ont fait des vœux de chasteté. Bon, je ne dirais pas ce qu'ils font là, mais ils ne sont pas chastes. Bon. La chasteté, elle est utile, c'est-à-dire qu'elle est l'apanage des êtres stupides. Je ne veux pas dire par là que ceux qui ont fait vœux sont stupides. Je veux dire que l'être humain qui ne comprend pas les mécanismes est un être humain qui se voit imposer des moyens d'évoluer, parce qu'il ne les comprend pas. Alors, si vous n'avez pas de psychologie suffisamment avancée pour pouvoir contrôler votre régime sexuel, vous allez donc devoir accréditer le vœu de chasteté, si vous voulez évoluer, ou vous trouvez une raison philosophique qui vous permet de dilapider votre énergie sexuelle n'importe comment. Parce que là, ça ne dérange plus. Tout est question de psychologie, au niveau de la culpabilité émotive. Mais au niveau de l'énergie vitale, il y a deux phénomènes qui se passent. L'homme a une espèce de condensateur énergétique. Il ramasse de l'énergie vitale, il remplit ce réservoir. Lorsque le réservoir est plein, l'excédent peut commencer à faire évoluer l'homme, mais elle peut aussi servir à féconder, à transmettre la vie. Mais l'homme qui évolue sans jamais enfanter ne sert pas à grand-chose. La génétique, elle est importante. Si moi, je parviens à un moment donné à une évolution X, et toi, tu parviens à une évolution Y, si tous les deux, nous pouvons enfanter, nous avons un enfant qui sera plus évolué que moi et que toi, parce que l'enfant a dans son corps physique l'évolution matérielle des deux entités. Et c'est la première fois que je me sers d'un tableau pour faire une conférence, c'est parce que j'ai des choses. Je pense que vous allez pouvoir comprendre seulement si je vous explique. En dessin. Alors voilà. La majorité, premièrement, l'homme évolue. Vous avez des yeux bleus. Et votre concubin Bill a des yeux bleus. Vos parents avaient des yeux bleus. Et ses parents avaient des yeux verts. Évidemment, si on remonte dans l'arbre généalogique, on trouve d'autres choses. L'enfant qui va naître a des fortes possibilités d'avoir les yeux bleus. Mais à un moment donné, de temps en temps, il peut arriver que les deux parents qui ont les yeux bleus vont enfanter un enfant qui a les yeux verts. Parce que dans la génétique de l'un des deux, il y a les yeux verts. Mais pour que l'enfant ait les yeux verts, il faut aussi que dans les arrière-grands-parents, quelqu'un quelque part ait eu aussi les yeux verts. Cela veut dire que lorsque l'homme enfante, il enfante un enfant qui est le résultat du mélange des deux races, de la femme et de l'homme. Cela veut dire premièrement que pour faire une conception intelligente, je dois connaître ma femme ou mon mari et je dois savoir ce qui se passe dans la famille. Je parle d'une conception intelligente qui va être régie par l'amour mental et non pas par l'amour psychologique. Je trouve ton corps tellement joli, je vais avoir un enfant de toi. Ben, mon enfant, c'est un gars, il ressemblera pas à ma femme. Mais on a des idées psychologiques qui nous amènent là. On a aussi des idées morales qui parlent de la famille. C'est évident que la famille, c'est important. Il n'y a pas d'évolution qui se fait s'il n'y a pas d'enfant qui naît. Maintenant, l'idée même, c'est que je vais essayer de simplifier ça au maximum, mais c'est important que je l'explique pour qu'on puisse comprendre. Il y a des chromosomes chez l'homme, chez la femme, et on a, disons, un certain nombre de chromosomes, 46, on s'en fout. Ce qui arrive simplement, c'est qu'à l'intérieur de l'homme, il y a une chaîne qui s'appelle ADN. Cette chaîne, elle reçoit différentes protéines, disons différentes molécules chimiques, qui viennent se greffer sur cette chaîne. Et le support de la chaîne chimique, c'est un sucre, c'est des oxyribose, mais on s'en fout encore une fois. Alors, ce qui arrive simplement, c'est que, disons qu'ici, j'ai orange, puis ici, j'ai un carré. J'ai un cercle, un carré. Lorsque nous avons une division cellulaire, cette chaîne doit se diviser en deux. Et la partie manquante va être recréée exactement comme ce qui est là. Donc, une cellule qui se divise en deux, crée deux cellules absolument identiques. Elles sont pareilles. Si, au lieu de mettre un rond, je mets un carré ici, je transforme quelque chose dans ma cellule. Disons que le fait de mettre un carré au lieu d'un rond fait qu'au lieu d'avoir les yeux verts, vos yeux vont être bleus. Il faut plus de changements pour donner cela, mais disons qu'en résumé, ça donnerait cela. Alors, ce qui fait que le fait de changer une seule chose sur cette chaîne transforme ce qui va naître. J'ai deux cellules parfaitement identiques et j'expliquais dernièrement que vos cellules se multiplient et elles se reproduisent. Elles se reproduisent. Pourquoi vieillissez-vous? Parce qu'à un moment donné, les deux cellules qui se reproduisent n'ont pas le même quota d'énergie vitale, ce qui fait qu'il y a une mutation dans l'ordre génétique et la cellule qui se divise en deux, une cellule de peau qui est morte, attendre quand vous l'avez, est remplacée par une autre cellule, identique, qui a les mêmes fonctions, mais qui est de plus en plus épuisée, ce qui est inexplicable par la logique des choses, et même la médecine ne le comprend pas. C'est pourquoi la médecine finit par admettre que le vieillissement pourrait être une maladie. Lorsque deux cellules, disons, peuvent s'accoupler parce qu'elles seraient sexuées, lorsque l'arbre se divise, on aurait donc deux arbres, celui des deux cellules ou des deux parents, et lorsque l'arbre se divise en deux, chaque moitié vient se relier à l'autre. Ce qui va engendrer un mélange. Maintenant, évidemment, c'est régi par différentes lois, je vous résume ça. Ce qui fait que si la femme a tel genre de... Ici, j'ai un cercle. Si la femme vient se mélanger, j'ai un cercle et un autre cercle, j'ai mes yeux bleus. Si j'ai un cercle et ici j'ai un carré, je commence à avoir une différenciation dans les yeux. Si tout ce schéma ici régit les yeux, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et 7, c'est très ésotérique, mais ça n'a aucun rapport, que c'est un hasard. Bon. Alors, si ceci vient régir les yeux, si j'ai exactement les mêmes, le même nombre de cercles le même nombre de carrés et j'ai mes yeux bleus. Si ma femme m'amène un carré placé au niveau d'un cercle, elle m'amène une autre chose, un cercle placé au niveau du carré. Si j'ai suffisamment de transformation, je peux avoir des yeux d'une autre couleur. Ça, c'est pour les yeux, ça va bien. Le problème, c'est que la conception de l'enfant ne se fait pas juste à l'œil. Hein? Souvent, on fait ça le soir. De toute façon, on ne voit pas ce qu'on fait. Bon. Alors, on a des résultats qui nous inquiètent à un moment donné. C'est jamais arrivé encore qu'on ait acheté le bébé et gardé la suite, même si des fois, il y en a qui disent que c'est ça, là. Mais, lorsque l'être humain, la femme et l'homme se rencontrent, ils vont donc devoir, s'ils enfantent, s'ils conçoivent, partager leur bagage génétique ensemble. Cela veut dire que si dans mon échelle, tout à l'heure, je vous montrais, j'ai certaines perturbations qui viennent définir une maladie coronarienne. J'ai des probabilités d'avoir une maladie du cœur. C'est-à-dire que mon cœur risque d'être formé d'une façon pas tout à fait correcte. Ma femme n'a aucun problème cardiaque. Alors, si nous enfantons, les enfants devraient ne pas avoir de problème cardiaque, même si dans leur génétique, ils ont la probabilité de problème cardiaque. Cela veut dire que ces enfants-là qui ont aucun problème cardiaque, mais qui ont la possibilité, si un jour ils enfantent avec une femme qui n'a pas de maladie cardiaque, mais qui a la possibilité elle aussi, ils risquent d'enfanter un enfant qui aura des problèmes cardiaques. Donc, intelligemment, on devrait faire en sorte, pour améliorer la race et pour améliorer l'évolution, d'enfanter des enfants qui n'auraient pas de temps physique. Ça, c'est l'idée de des chercheurs qui ont essayé de jouer dans la génétique. C'est pas de ça que je vous parle à soir, ça, c'est stupide. Ce qui arrive simplement, c'est que la majorité de votre évolution, qu'est-ce qu'elle amène chez vous? À l'origine, quand vous étiez jeune, vous étiez des énervés. Qu'est-ce qui est arrivé? Il est arrivé simplement que dans certaines de vos cellules, il y a eu des transformations, des mutations génétiques qui font que présentement vous êtes changé. Et ces mutations vont aussi amener votre vieillissement. La mutation dans l'arbre, ici, elle est régulière. Chez l'homme, elle est régulière. Il y a une expérience, à un moment donné, qu'on a menée en Angleterre. L'expérience avait été faite avec des papillons. Papillons qui vont sur le boulot. Ces papillons ont des ailes blanches. Et lorsqu'elles atterrissaient sur les boulots à papier, les boulots blancs, les oiseaux ne pouvaient pas les voir. À un moment donné, certains chercheurs ont découvert que la même sorte de papillon avait commencé à avoir une mutation, c'est-à-dire que certains naissaient les ailes noires. Et évidemment, lorsque le papillon aux ailes noires atterrit sur un boulot, bien évidemment, tous les oiseaux du quartier se garochent dessus. Ce qui fait que la mutation, elle est fréquente. Mais la nature s'arrange pour tuer celui qui n'est pas adapté dans la mutation et de donner la possibilité à la race forte, à ceux qui sont adaptés, de pouvoir survivre. Ce qui est normal et intelligent. Chez l'homme, par contre, l'intelligence, on l'a remis. On pouvait avoir celle de notre émotion pour faire vivre des monstres. Pour pouvoir essayer de préserver la vie inutilement jusqu'à l'âge 3-4 ans d'un enfant qui n'est pas viable, pour essayer de faire vivre les mutations que la nature refuse. C'est normal qu'il y ait des mutations chez l'homme. La radioactivité engendre des mutations qui est réellement débile, mais il y a aussi des mutations normales. La cigarette va engendrer des mutations, mais elle peut surtout engendrer des mutations chez les cellules qui sont en train de grossir le fœtus. La mutation, elle existe chez l'homme qui vit. Mais la mutation, elle est potentiellement possible chez le fœtus dans le ventre de sa mère. Donc, on va revenir aussi, il y a énormément de précautions à prendre lorsque l'on porte un enfant pour faire en sorte que la génétique puisse aller jusqu'à son terme, c'est-à-dire enfanter, créer un enfant, un embryon, un fœtus et un enfant nouveau-né qui sera dans un état le plus parfait possible. Et c'est d'ailleurs le but de l'évolution physique. Vous allez voir que l'évolution physique est proche en maudit que l'évolution spirituelle, puis toutes les genres d'évolution vont bien se plaire à croire. Les chercheurs d'Angleterre ont découvert, par contre, que la pollution de l'air était en train de faire en sorte que les boulots de Londres étaient de plus en plus noirs. Parce qu'ils étaient recouverts de suie. Ce qui fait que 15 ans après, 90% de ces papillons bouillons naissaient les ailes noires et les blancs mouraient, bouffés par les oiseaux. Parce que les papillons noirs, atterrissant sur les bouillons qui étaient recouverts de suie, étaient invisibles. Donc, la mutation par hasard, si on pouvait dire, là, elle a permis à cette race d'être sauvée. Mais si les bouillons seraient restés blancs, c'est-à-dire que partout en Angleterre, les papillons qui naissent noirs meurent. Mais alors, les papillons qui naissent blancs meurent. Et c'est la même sorte. Ce qui fait que, lentement, tous les papillons blancs de l'ordre vont être détruits. Il ne restera que des papillons noirs. Et à la longue, les vestiges qui donnaient de temps en temps la possibilité à deux papillons noirs d'enfanter papillons blancs vont disparaître et on aura donc une nouvelle race. Et la nouvelle race, on parle de race du Verseau, on parle de paquet d'autres races. Mais ça vient de la même manière. L'individu trop faible meurt. C'est normal. L'individu plus fort survit. Lorsque la science de l'homme, lorsque la science qui vient du mental, permet à la race humaine de pouvoir, disons, permettre à un individu non viable normalement de pouvoir vivre, cela n'est pas nécessairement mauvais. Cela peut être très bon. Mais si vous êtes hémophile et que je vous permets de vivre, la science permet à l'hémophile de vivre, et que l'hémophile engendre avec une autre personne hémophile, on crée un enfant hyper-hémophile. La science qui permet de vivre, ici, l'argent avec un autre hémophile, à un moment donné, il y a une absurdité. Normalement, l'hémophilie aurait disparu de la planète depuis longtemps si la science ne se serait pas vouée à faire vivre les hémophiles. Normalement, cela paraît extrêmement dur à accepter. Mais présentement, si l'homme a des torts physiques, c'est parce qu'il s'est évertué à conserver ses torts sur la planète. Cela ne veut pas dire de tuer l'enfant qui n'est hémophile. Cela veut dire que l'enfant qui n'est hémophile devrait au moins enfanter qu'une personne qui n'a aucun symptôme d'hémophilie. L'enfant qui va naître va être moitié probable hémophile, moitié probable non hémophile. Mais lui devra se concevoir avec une autre personne totalement non hémophile. Ce qui fait qu'à la longue, on n'a pas tué personne, mais l'hémophilie disparaît quand même. Adolf Hitler avait suggéré un moyen plus barbare et plus radical. On élimine toutes les malades de sa planète, on garde l'église supérieure. Mais c'est pas le schéma de l'évolution. Parce que ceux qui sont malades ne sont pas plus malades que les supérieurs, tout dépend du contexte. Les papillons blancs sont-ils malades ou les papillons noirs? Ben, ça dépend de leur contexte. Ceux qui vivent à Londres, les malades, c'est les blancs. Ceux qui vivent en campagne, les malades, c'est les noirs. Alors, ce qui fait que ce n'est pas en éliminant quelque chose sur la planète qu'on règle le problème. Mais c'est en faisant attention à la conception de l'enfant. Cela veut dire que, tout ça pour parler de la mutation, continuellement, chez vous, dans vos gènes, il y a des transformations, il y a des mutations. Ce qui fait que la race se transforme. Mais, la mutation chez l'homme, vous faites du yoga pendant 115 ans, ne veut pas, votre corps va devoir se muter. Les cellules qui vont renaître devront être plus souples. Les cartilages devront être transformés par des cartilages toujours souples. Quelqu'un qui fait du yoga n'a pas besoin d'en faire le restant de ses jours. À un moment donné, garde sa souplesse. Garde tout ce qu'il a besoin de garder. Et pour le garder, cela veut dire qu'il y a des transformations dans son arbre génétique qui fait en sorte que les cellules qui se reproduisent ne sont pas des cellules sèches, des cellules tendineuses extrêmement rigides, mais des cellules qui gardent leur souplesse. Et pas seulement par l'exercice, par la pratique. C'est ce que l'on pense, mais c'est pas vrai. Donc, à un moment donné, la personne, elle est souple, elle paraît jeune. Cette personne-là, le problème, c'est que dans sa génétique apparente, il y a des choses. Mais si elle est enfant, il y a un problème. L'enfant ne sera pas nécessairement souple, sauf s'il fait du yoga. Alors, si on est obligé de forcer nos enfants à refaire la même éducation que nous autres pour avoir le même résultat, c'est que notre résultat n'est pas transmissible par la génétique. S'il n'est pas transmissible par la génétique, c'est qu'il ne sert à rien dans l'évolution réelle de la planète. Vous êtes présentement évolué comme vous êtes. Pourquoi? Parce que vous êtes venu au monde avec un cerveau qui était adéquat à votre évolution. L'homme aujourd'hui, il se fout pas mal des enfants. Il se fout pas mal de l'avenir. Il veut évoluer lui-même tout seul. Il veut évoluer le reste. Bon, on aime bien les enfants, Mais quand ils sont tannants, ils n'aiment plus. Puis qu'est-ce qu'on fait réellement pour être sûr qu'ils vont avoir quelque chose d'intelligent? Pas grand-chose, c'est moi qui vous le dis. Vous savez le faisons. Mais vous avez le monde avec un cerveau qui avait une probabilité de potentiel. Si votre cerveau aurait été magané à la naissance, vous auriez été pas mal moins évolué que vous l'êtes présentement. Donc, et ce n'est pas en remerciant vos parents, mais vos parents ne savaient même pas ce qu'ils faisaient. C'est l'évolution normale de la race. L'évolution physique, qu'est-ce qui est là d'important? C'est par l'évolution physique que l'homme exprime l'évolution supérieure. Si vous n'avez pas de langue, si vous n'avez pas de bras, prenez votre cerveau et placez-le dans un corps de chien. Votre expérience évolutive va s'arrêter. Vous ne pourrez plus rien faire de vos quatre pattes. Le corps du chien n'est pas adapté à un cerveau intelligent. Et le cerveau du chien n'est donc pas fait pour recevoir une énergie intelligente. Parce que ce ne serait pas intelligent. Lorsque vous êtes venu au monde, vous étiez le résultat génétique de nos arrière-grands-parents. Et quand je parle de nos arrière-grands-parents, je parle de des Vikings. Je parle de tous ceux qui sont passés avant vous autres, allez jusqu'à l'Australopithèque, le Pithécanthrope et en arrière. Et c'est par l'évolution génétique que l'homme est venu au monde avec un cerveau qui lui permettait de comprendre la causalité, les choses, les causes des choses dans le monde qu'il vit, qui lui permettait aussi d'entrevoir un monde spirituel, de prendre conscience qu'il vivait, qu'il était présent dans son corps, ce que l'animal ne fait pas, et ce qui lui a amené aussi une identification psychologique d'un certain nombre de problèmes. Vous n'avez pas un physique adéquat, vous ne pouvez pas évoluer adéquatement. Et c'est normal. Vous n'avez pas un physique adéquat, vous allez évoluer. Mais c'est parce que vous en avez eu un comme vous avez présentement à la naissance, peut-être que vous l'avez déformé un peu en vieillissant, c'est-à-dire en ne faisant pas attention à votre corps physique et à votre énergie vitale, en faisant plus attention à l'énergie psychologique et émotive, vous en êtes rendu. Mais si, par malheur, vous ne seriez pas né dans le corps que vous habitez présentement, vous seriez encore bien pire que vous êtes là. Ou bien mieux pour en dire certains, ceux qui auraient préféré avoir un corps meilleur. Vous êtes de parents alcooliques, le contexte d'éducation peut vous amener à devenir alcoolique. Mais vous avez aussi des informations génétiques au niveau de votre cerveau qui acceptent facilement la manipulation de l'alcool. Lorsque deux jumeaux identiques viennent au monde, qu'est-ce que c'est que deux jumeaux identiques? On a un ovule chez la mère et on a deux spermatozoïdes qui viennent féconder le même ovule. Et deux jumeaux non identiques, on a deux ovules fécondés par deux spermatozoïdes, donc on aura donc deux enfants différents. Jumeaux, parce qu'ils naissent en même temps, mais différents. Les jumeaux identiques vont être le même ovule fécondé par deux spermatozoïdes. Puis il y a d'autres moyens d'avoir des jumeaux identiques qu'un spermatozoïde qui a plusieurs phénomènes, disons que je vais vous sauter par-dessus. Ce qui va arriver à un moment donné, c'est qu'on a des jumeaux identiques. Lorsque un spermatozoïde vient féconder le même ovule, c'est-à-dire que les jumeaux ne seront pas totalement identiques, et on a aussi une division d'ovule avec un spermatozoïde qui va créer deux jumeaux identiques. Alors, c'est pas un phénomène dans le genre. Si on a deux jumeaux identiques, mais totalement identiques, les mêmes yeux, les mêmes grandeurs de tout ce que vous voudrez, parfaitement pareils, ben ils auront le quotient intellectuel identique et ils auront les mêmes probabilités d'intelligence. Leur cerveau et leur évolution, leur goût, tout ça sera similaire. L'éducation de ces deux jumeaux, donc éduqués dans deux endroits différents, va légèrement transformer et altérer la similitude. Mais au départ, ils étaient identiques. Le corps physique est celui qui va déterminer votre évolution. C'est évident que si vous avez deux jambes pour marcher, que vous pouvez changer de pays et voyager, vous allez voir bien plus que si vous laissez votre bras, votre jambe. Alors, le corps physique, il ne s'arrête pas juste au niveau des jambes. Il faut aussi que vos jambes vous portent longtemps maudit. Il ne faut pas qu'ils vous fassent trop souffrir. Il ne faut pas que votre corps physique vous amène à expérimenter la souffrance et la douleur continuellement. Il y a une expérience là-dedans, il y a une évolution là-dedans, mais c'est pas celle-là que l'humanité, que l'ésotérisme essaie de donner à l'humanité. Donc, la conception de l'enfant, elle est primordiale parce que c'est l'enfant qui représente la race de l'avenir. Si l'enfant représente la race de l'avenir, L'enfant représente donc les probabilités d'un avenir plus intelligent, d'un avenir meilleur, c'est-à-dire que, mettons la main ceux qui croient à la réincarnation ici. J'aimerais que tous ceux qui croient à la réincarnation lèvent la main. Bon, ça fait beaucoup de monde. Si vous croyez à la réincarnation, cela veut dire qu'à un moment donné, vous allez être enfanté par quelqu'un. Et vous espéreriez, n'est-ce pas, facilement que votre père et votre mère soient en bonne santé physique. Si votre père et votre mère sont deux génies physiques, des surhommes, vous allez vous réincarner dans un corps de surhomme. Alors, juste au niveau de la réincarnation, on a donc là une importance fondamentale à vérifier la conception des enfants. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je vais renaître. Et si l'immunité est toute débile, ben, on va renaître d'un corps de débile, mais de débile moi aussi. On appelle ça l'évolution génétique. Et si on s'efforce d'évoluer le reste, donc de faire attention à la conception. Puis présentement, je ne vous dis pas ça pour que vous commenciez à tout checker trop tard. Bon. C'est simplement pour informer l'astral de certaines choses qui vont arriver à un moment donné dans l'avenir. L'enfant doit être conçu par un père qui a une certaine forme d'évolution, par une mère qui a une certaine forme d'évolution. Le mâle, dans le plan matériel, est supérieur à la femelle, mais une chose qui est importante, c'est que ce qui anime ces deux corps-là n'est pas sexué. La femme n'évolue pas plus que l'homme, puis l'homme n'évolue pas plus que la femme. Si je vous donne un petit exemple encore, je vais être à deux ans profite, imaginez-vous que ça c'est une femme, puis que ça c'est un homme. Et l'esprit qui évolue expérimentalement dans les deux, c'est le même. C'est pas parce qu'il y en a un qui est femelle, féminin, et l'autre qui est mâle, qu'il y en a un qui évolue plus que l'autre. Mais, par contre, l'expression de l'énergie intelligente à travers une femme, c'est pas la même qu'à travers un homme. Ça, c'est encore une preuve que le corps physique, ça a une grande importance dans l'expression de l'énergie intelligente. Pourquoi qu'on a juste des hommes dans l'Antiquité qui ont évolué? Pourquoi que c'est quasiment même des hommes qui réussissent à rentrer en contact avec Dieu? Dans l'Antiquité, dans presque toutes les religions. C'est parce que dans le corps de l'homme, l'énergie intelligente s'exprime plus facilement à l'époque. Aujourd'hui, le corps de la femme, mental, c'est les neurones qui sont importants, surtout. Aujourd'hui, le corps mental de la femme, il est même quasiment le similaire à celui de l'homme, puis de temps en temps, il est parfaitement pareil, puis de temps en temps, il est supérieur. Donc, en gros, présentement, l'énergie intelligente va s'exprimer autant chez la femme que chez l'homme. Et, à un moment donné, il va y avoir du monde. Disons, si on parle de grands maîtres, ils vont être autant femelles que mâles. L'enfant doit être conçu, non pas parce que psychologiquement on veut les enfants. Ça, on finit toujours par le regretter, on en a. On doit concevoir un enfant parce qu'on connaît les lois, on sait que c'est intelligent, parce que c'est l'évolution de la race. Mon corps physique se réincarne instantanément dans l'enfant. Moi, je suis dans lui. Pour mon moi psychologique, c'est juste lui qui veut survivre, mais c'est pas avec lui qui va survivre, le corps continue à survivre. Et si je me réincarne, de toute façon, j'aime autant bâtir un avenir immédiatement. L'enfant, c'est un processus qui permet à une énergie évolutive de pouvoir se servir d'un corps pour pouvoir expérimenter une évolution sur la planète. Plus on va fournir de corps adéquats à ces esprits qui veulent évoluer, plus vite l'évolution va se faire, autant pour nous que pour la planète. Et si un jour, réincarnation ou pas, si un jour je reviens sur la planète par l'intermédiaire de l'enfantement, de la naissance, ben c'est évident que si l'humanité a évolué dans l'évolution du corps, j'aurai donc un corps mieux adapté à l'expression d'une énergie intelligente. L'expression spirituelle, l'expression religieuse, l'évolution totale que l'homme essaie de rechercher, elle est possible que si le corps le permet. Et ça, l'homme s'est toujours refusé de l'admettre. Pourquoi l'Inde, qui a été le premier support de la race blanche, la race aryenne, pourquoi l'Inde est présentement un pays mort? on met de la drogue par-dessus la tête, un paquet de religions qui bannissent le corps, puis qui flagellent le corps, puis qui détruisent le corps, où on ne voit pas d'importance au corps, et on s'imagine simplement que plus tard dans l'avenir, quand on va se réincarner, ben là, on commencera à évoluer. Ben, ceux qui se réincarnent dans un corps qui est la pire. Ils ont une évolution expérientielle sur la planète, donc ils ont une forme de vibration. Et lorsqu'ils doivent se réincarner, ben, ils vont aller dans un corps qui s'adapte à la vibration. C'est pas parce que tu fais le fou vain que tu te réincarnes roi et riche aux États-Unis. Non. Ton évolution au complet a une forme de vibration et le corps qui va naître attire une vibration similaire. Tu fais le fou vain, tu remets aux Indes, c'est normal. Et tu remets dans le contexte qui t'a créé, qui t'a construit, qui t'a énergisé. Donc l'Inde est un pays mort. Spirituellement, c'est capote. L'Inde n'a même plus rien à l'humanité. Elle a servi de support à l'humanité. À l'époque de Ram, de Rama. Et présentement, l'Inde, qu'est-ce qu'elle fait à l'humanité? Absolument plus rien. L'évolution, où elle se passe pas aux Indes, elle se passe pas au Japon ni en Chine, elle se passe en Europe et aux Amériques, en Amérique du Nord. Là, l'évolution se passe. Parce que là, qu'est-ce qui est arrivé? Il est arrivé simplement qu'au cours des deux dernières guerres, puis c'est après la dernière guerre mondiale, que le continent nord-américain et l'européen ont commencé réellement à grimper au niveau d'évolution. Et qu'est-ce qui s'est passé? Parce que c'est simple, les guerres qui ont été divines au niveau d'évolution de la planète, qu'est-ce qu'elles ont amené? Ben, elles ont forcé les races à se mélanger. La majorité des races ont sacré le camp pour aller aux États-Unis. Les États-Unis n'en voulaient pas, ils ont passé par le Canada pour aller aux États-Unis. Donc, on a eu un métissage extraordinaire des races. Ayant un métissage extraordinaire des races, on a eu des enfants débiles et on a eu des enfants géniaux. On a eu une race plus forte. Le reste est capable maintenant d'exprimer une énergie supérieure à ce que l'humanité n'a jamais exprimé. Donc, une évolution se passe en Amérique du Nord, sur la planète présentement. C'est normal. Et elle se passe ici au Québec pour des raisons telluriques, qu'on a vu lors de l'Isséposium. Donc, la race humaine, elle a une évolution qui est en relation avec la corporalité. L'évolution s'exprime dans la matière. L'expérience se fait par le corps. Et non pas autrement. Et le corps exprime l'énergie intelligente. L'enfant doit donc être conçu. Plus tard, c'est ce qui va arriver de toute façon. C'est possiblement faisable encore pour des êtres humains. Lorsque l'homme et la femme, lorsque le couple essaie d'évoluer et qui par après va engendrer, a de maudites fortes chances que l'enfant suive de l'évolution du couple. Mais lorsque le couple engendre, et par après, le coup du coup, la conscientisation, et qu'il essaie de se diriger, alors là, c'est pas vraiment difficile ce que les enfants suivent. Parce que les enfants, ils sont nés d'une génétique des parents, mais des arrière-parents, et non pas d'une génétique nouvelle créée par la transformation des deux parents. On se marie, puis on a les enfants tout de suite. Commencez par vous marier, puis commencez par vous transformer. Ça veut simplement dire que la mutation, elle se fait. Lorsque l'homme veut avoir un enfant, il n'y a pas de relation sexuelle une fois par jour jusqu'à temps qu'à un moment donné, le médecin dise à sa femme qu'elle est grosse, qu'elle est enceinte. Le cadre même, présentement c'est totalement faisable, et le cadre même qui devrait amener deux êtres à avoir une relation sexuelle pour concevoir un enfant, devrait être un cadre qui a une harmonie. Et une harmonie avec la psychologie des concepteurs, des créateurs. Une création qui va se passer. Et c'est pas simplement par accident qu'on devrait la faire. Ça, c'est important. Or, ça vaut pas la peine de se culpabiliser si à un moment donné c'est par accident, ça change rien. On parle pas du passé, on parle de l'avenir. Si l'entourage, si le cadre est harmonieux avec la psychologie, l'enfant, il s'en fout des couleurs. Mais si toi, t'es stressé par la couleur de ta chambre, ben t'es pas dans un cadre intelligent pour concevoir un enfant. L'enfant, ça balance les couleurs. Le spermatozoïde et le vulve vont vibrer ce que la psychologie de l'homme présent les oblige à vibrer. Vous savez, si vous vous faites violer, vous n'aurez pas le même genre d'enfant que si vous le concevez dans une harmonie très équilibrée. Parce que le vulve qui va être fécondé vibre d'une manière qui n'est pas tout à fait correcte, qui n'est pas en relation, en harmonie avec la vitalité de l'homme et de la femme. Donc, le fœtus qui va se développer va être évidemment l'évolution du violeur et de la violée. Ça peut donner un enfant absolument génial. Si c'est les chromosomes, c'est-à-dire que si c'est la génétique de ses parents, au bonhomme, qui vient donner l'enfant, et non pas le bonhomme. Concevoir l'enfant, cela veut dire créer un cadre harmonieux pour notre psychologie, pour que notre psychologie ne vienne pas influencer notre énergie vitale. Cela veut surtout dire savoir pourquoi nous allons enfanter. Pourquoi nous allons concevoir un enfant. Cela veut dire un mariage intelligent, non pas un mariage émotif. Cela veut dire que si nous concevons un enfant, nous connaissons les problèmes reliés à l'éducation de l'enfant. Cela veut dire que nous ne nous divorcerons pas, nous ne nous séparerons pas tant que l'enfant ne sera pas capable de fonctionner tout seul. Et cela veut dire qu'avant la conception de l'enfant, nous avons déjà élaboré un cheminement d'éducation. Cela veut dire que nous allons concevoir d'une façon conséquentielle un enfant. Cela veut dire que nous savons ce que nous faisons et c'est parce que nous le savons que nous le faisons. Cela veut dire concevoir un enfant. Sinon, il y a conception d'enfant, mais il n'y a pas eu de créature créatrice qui ont conçu un enfant. Il y a eu deux êtres biologiques qui ont donné la naissance à un enfant selon des lois biologiques qui ne regardent pas la création. L'homme n'est pas un créateur lorsque l'homme crée un enfant, s'il n'a pas voulu créer d'enfant. Lorsque vous parlez, ou encore lorsque vous allez aux toilettes, vous créez. Alors, lorsque vous digérez, vous créez, vous transformez. Mais vous n'êtes pas des créateurs, parce que vous ne ferez pas ce que vous faites. Et lorsque vous décidez de concevoir un enfant, c'est parce que vous savez que vous aurez à l'éduquer. C'est-à-dire à faire en sorte que l'esprit qui va l'animer puisse se servir de ce corps-là pour expérimenter d'une façon la plus efficace possible ce qu'il a à expérimenter. Et non pas ce que vous pensez qu'il doit expérimenter, et non pas ce que vous auriez voulu expérimenter, et non pas ce que la société veut qu'il expérimente, et non pas rien de ça. Concevoir un enfant, cela veut dire que nous savons ce qui se passe. Donc, nous devons créer des conditions vibratoires physiques adéquates à la conception de l'enfant. Cela veut dire que le cycle, cela veut dire que normalement, vous devriez avoir, si vous parlez de matière, la femme devra commencer à avoir un rythme de vie harmonieux, un rythme de vie propre, une bonne nourriture pour harmoniser le physique, si possible, pas de viande, pour plusieurs raisons karmiques et de nutrition. Elle devra vivre dans un air qui sera en harmonie avec elle. Elle devra au moins ovuler 3 à 4 fois avant de penser à concevoir, parce que les ovules créés sont en vibration relativement harmonieuse avec les harmonies qu'elle essaie de fuir. Donc, ce n'est pas parce que là, je suis calme à soi qu'on peut concevoir. Tout le schéma qui a réussi à libérer l'ovule est totalement inharmonieux. Donc, tu peux-tu dire, Daniel, que chaque cycle, chaque ovulation, si tu veux, a des taux vibratoires différents suivant. Qui sont en relation avec le défi psychologique, émotif et physique de la femme. Il y en a de même pour le bagage de spermatozoïdes. C'est-à-dire que l'homme doit aussi épuiser différentes quantités de spermatozoïdes avant de commencer à penser se servir d'une quantité pour pouvoir faire pour arriver à faire une ovulation. Pas d'ovulation, mais une fécondation. Tu parlais tantôt de cellules à un moment donné qui... Je vais juste finir parce qu'il nous reste 2 minutes. On pourrait revenir après. Donc, la femme doit, on appelle ça se purifier. Ben, il n'y a rien de sale là-dedans, là, c'est un terme qu'on emploie qui est bien barbare, là, parce que la femme n'a pas se purifier, elle est plus là, avec. Bon, sauf qu'elle devra éliminer des matières physiques qui ne sont pas en vibration adéquate pour la conception d'un enfant. L'homme devra faire la même chose. Donc, il y a préparation qui dure un certain nombre de mois avant qu'il y ait des relations sexuelles pour concevoir un enfant. Lorsqu'il y a conception de l'enfant, évidemment, la femme et l'homme doivent poursuivre l'évolution du fœtus, l'évolution de l'enfant au sein de la mère pendant 9 mois. Et cette évolution devra toujours tenir compte de la probabilité mutatoire des gènes qui constituent l'enfant. C'est-à-dire que si tu fumes, l'enfant peut avoir des déformations au niveau des gènes. Donc, la préparation antérieure ne sert à rien. Ton évolution ne sert à rien si ta femme se drogue le temps qu'elle porte l'enfant. Parce qu'il y aura des mutations génétiques qui viendront perturber la formation du corps, ce qui perturbera évidemment l'expression des énergies qui voudront évoluer par l'intermédiaire de ce corps-là. Je le répète que c'est votre cerveau qui s'est servi de vos jambes pour vous amener ici. Donc, il y a une énergie intelligente en vous qui se sert de votre corps pour se promener, se véhiculer, s'en aller. Pour vous promener, pour expérimenter. Et le corps, donc, est un outil extrêmement important que l'on doit fabriquer de la meilleure manière. Même si le corps qu'on fabrique ne nous sert pas, ce n'est pas une raison pour en fabriquer un qui tout croche. Parce qu'à un moment donné, ceux qui croient à la réincarnation, là, ben, un jour, vous allez être enfanté par un descendant d'un de ces corps-là. Fait que, mais c'est pas une raison morale de le faire bien. C'est une raison intelligente de le faire bien. Donc, tu vas finir par avoir ton enfant, tu vas le porter dans un corps harmonieux qu'on pourra peut-être revenir lors de la deuxième partie. Vous aurez juste pour poser des questions, de toute façon, si vous voulez des éclaircissements sur cette période. Elle est importante, mais il fallait comprendre l'intelligence de l'importance avant d'en arriver là. Alors, c'est pour ça qu'on a pris une heure. Donc, tu portes l'enfant, et lorsque tu vas accoucher l'enfant, bon, il y a des choses qui sont importantes. Mais présentement, qu'est-ce que fait la psychologie scientifique de l'homme? Elle essaie de porter de l'importance dans l'endroit où il n'y en a presque pas. C'est-à-dire que l'enfant devrait naître dans un liquide amniotique ou enfin dans de l'eau chaude, etc., pour ne pas qu'il ait une expérience violente à la naissance. Mais l'expérience violente va être vécue selon ses capacités corporelles de vivre l'expérience violente. Donc, ce n'est pas parce qu'on le met dans de l'eau chaude, dans la neige, ou dans un hôpital ordinaire ou dans la maison, que l'expérience de naissance ne sera pas violente. Cela dépend de sa psychologie. Donc, cela dépend de son corps physique. Cela dépend de la conception de l'enfant, et non pas de l'accouchement de l'enfant. C'est important, mais c'est pour ça l'important qu'il faut faire. Si on veut accoucher, si on veut avoir un enfant intelligemment, c'est pas sur l'accouchement qui est important. C'est la conception. Puis la conception, mais ça se fait avant de penser à concevoir, évidemment. La première partie, tu as parlé à un moment donné au niveau des certaines cellules, en fait, qui, à un moment donné, se reproduisent, sont exactement la même, mais ils s'épuisent avec le temps, finalement, tant qu'il n'y a pas suffisamment, baigné suffisamment dans une énergie vitale pour... Pourquoi que l'homme est capable de transmettre la vie, et cette vie-là ne s'épuise jamais? Elle est toujours améliorée des parents aux enfants, des enfants aux enfants, des enfants aux enfants. Elle est toujours améliorée. Alors, pourquoi une cellule dans l'homme et dans la femme sont capables de donner un enfant qui va être en parfaite santé avec une peau comme, une peau d'enfant? Puis, eux autres vont vieillir, mais il y a des cellules en eux qui restent, qui se divisent et qui se séparent, qui se multiplient, qui restent authentiques. Et ces cellules-là, même chez des êtres, disons, vieillis, vont être capables d'enfanter encore un enfant en parfait état, qui va être encore aussi jeune, avec des cellules aussi jeunes. Mais pourquoi ces cellules, pourquoi cette jeunesse-là, on est capable de la donner, mais on n'est pas capable de s'en servir? Il y a quelque chose qui se passe quelque part. Mais il y a un feu, là, à un moment donné. Si on prend la colonne vertébrale, les deux extrémités qui sont les plus énergifiées, c'est le cerveau puis le centre sexuel, finalement. Donc, on peut-tu dire que le cerveau puise son feu à l'intérieur du centre sexuel? Le cerveau a été créé par l'énergie sexuelle, par l'énergie vitale. En lémurie, mais ça, on s'en fout. Bon. Mais présentement, c'est tout à fait normal que le cerveau continue à puiser dans l'énergie sexuelle. Et l'énergie sexuelle, c'est un mauvais terme, c'est l'énergie vitale, qui peut être représentée dans la matière par une énergie cérébrale, un corps mental, comme par une énergie sexuelle. Alors, elle est, disons, exprimée dans la matière sous ces deux formes-là, entre autres, en plus de l'animation du corps. Mais c'est la vie. Alors, ce qui fait que... c'est pas de l'énergie sexuelle, c'est l'énergie vitale. OK. Ici, une question, c'est quoi la différence entre une attraction de type psychologique et une attraction mentale? Bon, l'amour psychologique, l'amour mental. L'amour psychologique, c'est simplement lorsque on est attiré par quelque chose ou quelqu'un, et on est attiré par cette chose-là parce qu'elle comble soit un besoin psychologique, soit qu'elle suscite en nous un retour mémoriel de choses plaisantes. Alors, j'aime les fleurs parce que j'ai découvert les fleurs dans des expériences lorsque j'étais jeune qui m'ont plu. Mais si je découvre une rose parce que ma mère elle vient m'en donner des coups en plein visage, ben quand je vais voir les roses, je vais toujours détester la rose. Alors, je vais aimer certaines choses et mon éducation va m'amener à apprendre, hein, parce que souvent les adultes s'efforcent d'apprendre à leurs enfants c'est quoi les belles choses de la vie. Comme tu peux découvrir la drogue, c'est une belle chose de la vie, tu peux découvrir la boisson, tu peux découvrir aussi les choses qui sont moins dangereuses. Alors, on éduque. J'ai déjà dit lors d'une conférence sur l'éducation qu'on devait montrer à nos enfants comment s'émerveiller. Mais on ne devait pas leur montrer s'émerveiller devant quoi. Ils font eux-mêmes. Alors, ce qui arrive, c'est que nous, on a donc une espèce d'éducation qui fait que toutes les fois que je vais voir quelque chose qui suscite dans ma mémoire des retours de mémoire, d'émotions que j'ai déjà vécues en voyant telle chose. J'aime les hommes aux yeux bleus. Bon, mais il y a quelque chose en moi qui fait que j'ai eu des relations avec des yeux bleus ou la couleur bleue. Ça peut être tellement, tellement de choses. J'ai tellement eu peur d'un orage quand j'ai vu le ciel bleu lorsque j'étais jeune. En fin de compte, le bleu devient pour moi une belle couleur. Additionnant toutes ces choses, ça fait que lorsque je vois quelque chose qui comble un besoin psychologique ou encore qui fait renaître en moi des émotions qui me plaisent, je tombe en amour. Alors, je vais donc aimer telle chose, ne pas aimer telle affaire, détester telle autre chose qui, lui, va susciter à place des émotions que j'aime pas. Donc, je vais être attiré par ce qui est en relation, en harmonie, en résonance avec mon schéma d'émotion. Ça, c'est l'amour émotif, l'amour psychologique. L'homme va aimer l'enfant, un enfant. Les parents aiment leurs enfants, mais c'est pas un amour intelligent. C'est un amour émotif. Vu que c'est un amour émotif, c'est que l'enfant comble des besoins d'affection qu'ils ont eux autres. Parce que donner de l'affection à quelqu'un, c'est s'en donner aussi à soi. On aime en donner. Bon. Puis si l'enfant en veut pas, on est frustré. C'est normal parce que c'est nous qui recevons l'émotion. Donc, on comble. Alors, si mon enfant meurt, dans ma vie psychologique, il y a un trou. Alors, les bruits que j'entendais, je les entends plus. Donc, insécurité. Tout le phénomène est insécure, ce qui fait que mon enfant, je veux pas qu'il meure. Bon. Alors, on a donc l'amour qui est émotif, une attraction. L'amour, c'est pas quelque chose qui est seulement psychologique ou émotif. Hein. L'amour émotif, c'est la plus barbare des expressions de l'amour. L'amour, c'est de l'attraction. Et l'attraction émotive, l'attraction astrale, l'attraction psychologique, c'est la même chose. Cette attraction-là fait qu'on est attiré ou qu'on attire à nous des choses qui nous rassurent. Mais ces choses-là nous rassurent et ces choses-là sont matérielles. Elles sont donc en transformation, ce qui fait qu'à un moment donné, elles ne peuvent plus combler la lacune. Mon enfant, ben, il veut plus que j'y joue dans les cheveux, il a 45 ans. Bon. Mon chat, il est mort. Mon auto, elle rouille. Alors, ce qui fait que veut pas l'homme qui a un amour psychologique, un amour astral, un amour émotif, attire des choses pour combler, mais ces choses-là comblent un certain temps et finissent par ne plus combler. Ce qui amène toujours la souffrance chez l'homme, ce qui amène aussi la jalousie, je ne veux pas perdre ce que j'ai, ce qui amène aussi la possession, c'est à moi, donc touche pas, ce qui fait que l'homme va inventer un langage qui transmet, non pas l'intelligence et la psychologie, ma femme, mon mari, mes enfants, mon chien, mon char, mon bras. C'est pas le bras de l'astral, c'est le bras du corps physique, mais c'est l'astral, la psychologie, qui dit mon bras, qui dit mon si. Mais est-ce que tu dis mon gros bouton sur le nez, enfin mon... Ça, tu penses pas que ça t'appartient, la grosse bebelle qui te pousse sa joue? Parce que émotivement, t'en veux pas, t'appartiens pas. Tu vas la faire ôter par un chirurgien, tu sais. Mais tout ce qui te trouve, tout ce qui paraît beau, c'est si la mode devient au gros bouton, là, le chirurgien va le t'en poser un à la place. Bon. Ça, c'est émotif. C'est de l'amour émotif qui n'a pas d'intelligence. C'est pas utile, mon grand bouton, tout le monde l'aime bien, mais toutefois, je rentre dans le métro, me le faire arracher. Bon. Ça, c'est pas intelligent. Mais c'est plaisant. Un exemple d'amour émotif, on aime son portrait. Puis si le portrait change, ce qui est normal. Alors là, on se met un paquet de stuff d'en face, hein, on se pratique à être peintre. Pourquoi? Ben, qu'est-ce qui arrive simplement, c'est qu'on transforme le visage. Mais si tu es intelligent, tes pores de peau respirent plus, fait que plus t'en mets, plus ça va rider, plus faut t'en mettre, etc. Tu te mets des souliers à talons hauts pour paraître plus grand. À un moment donné, t'as le bassin déformé, les pieds déformés, t'as la colonne déformée. Faut qu'on te reforme. Alors, tout ça, c'est de l'amour émotif. C'est toujours en relation avec l'amour émotif. J'aime tel portrait de moi, je vais essayer de le conserver. J'aime ma femme telle que je l'ai connue, elle évolue. Alors, je vais empêcher l'évolution, je vais m'organiser pour qu'elle reste comme ça. Fait qu'à un moment, mais qu'est-ce que t'as jamais été de même? Crème, quand je t'ai connue, t'étais si fine. Bon, on essaie de culpabiliser la personne pour qu'elle arrête son schéma d'évolution. Mais c'est normal que l'amour émotif ne mène que là. Ce qui fait qu'on a des enfants, les enfants grandissent, les enfants ont leurs propres expériences qu'on essaie d'empêcher, qu'on essaie de limiter. À un moment donné, bon, faites donc ce que vous voulez, on s'en fout. Alors, il n'y a rien d'intelligent là-dedans. L'amour émotif fait que lui se transforme, donc on ne s'aime plus. Alors, automatiquement, si les cadres moraux ne culpabilisent plus la séparation, bien, plus l'homme va évoluer dans un cadre qui ne culpabilise plus la séparation, plus l'homme va se séparer. Alors, ce qui fait que présentement, on a plus de divorces, on a plus de meurtres, on a plus de séparations, on a plus de brisures de famille qu'on n'en a jamais eu, en pourcentage et en n'importe quoi, pour la simple raison que la morale permet plus facilement la séparation. Ce qui est une forme d'intelligence, quand même, remarquons-le, mais intelligence chez des êtres pas assez intelligents pour se marier, pour se lier d'une façon intelligente au début, mais suffisamment intelligente pour pas que tant qu'elle va manquer le vie, qu'elle manque pas le restant de jours aussi. Alors, c'est intelligent de se séparer à un moment donné. Si tu as des enfants, ben là, c'est évidemment, c'est à voir les mécanismes qui vont régir la psychologie des enfants, ça dépend de l'éducation, ça dépend de leur génétique, des paquets de phénomènes, mais de toute façon, l'être qui pense à se séparer doit... Il y a des personnes qui ne devraient pas se séparer parce qu'ils ont des phénomènes initiatiques à vivre ensemble, mais il y en a d'autres qui devraient se séparer parce que là, ça fait longtemps que c'est fini l'initiation. Là. C'est en train de mourir, là. Bon. Mais encore là, il faut faire attention. OK? C'est pas parce que tu t'entends pas que tu lâches. C'est pas ça. Ça, c'est l'amour émotif. L'amour mental, qu'est-ce qu'il fait, l'amour mental? C'est qu'on se relie. Notre union, elle est limitée. Quand c'est de l'amour mental. Une rencontre, c'est le début d'une séparation et on le sait. Présentement, ce que tu fais va avec ce que je fais. C'est dans l'action que tu es intelligent. Pas juste dans l'expression d'émotion. Alors moi, j'ai toujours vécu de telle manière. Pourquoi qu'en me mettant avec toi, il faut que je change tout? J'aime aller camper, t'aimes pas le camping, je t'aime les beaux yeux, je vais plus camper. Bon, j'aimais les chiens, t'aimes pas le chien, balance le chien ou balance la femme, un ou l'autre. Bon. Alors, pourquoi que, parce que deux êtres qui ont évolué de façon à se plaire l'un l'autre, moi, je l'aime, il est musclé, il est fort, il est athlète. Mais deux semaines après qu'on est marié, ben, Kim est toujours en train de faire ses maudits exercices, je te mets ça m'écart. Fait que je veux plus qu'il en fasse, je le transforme tout. 5 ans après, il est plus athlète, il est plus musclé, il est plus en forme, je l'ai empêché de continuer. Mais là, je l'aime plus, je l'aimais quand il était en forme. Ce qui fait que là, il y a une séparation. Le gars, il était créatif, il faisait de la mécanique, il arrangeait tout. Puis une fois qu'il y a une femme, il peut plus faire de la mécanique, il rentre sale, la femme ne veut plus, il peut plus faire de l'électronique, la femme a se plaint. Fait qu'à un moment donné, la femme, le gars qu'elle aimait, elle l'a détruit. Ben, elle l'aime plus, ben, elle l'abandonne. Le gars, il aimait une femme, faisait telle affaire. Mais cette femme-là, il l'a détruit. Fait qu'elle n'est plus comme il l'a trouvée, donc il l'aime plus. Puis il y a des séparations régulières, là, même. L'amour intelligent, c'est par rapport à ce que je fais. Moi, je m'en vais dans ma ligne de vie. J'aimais le camping, je faisais du sport, j'aimais lire des livres, je faisais telle affaire. Quand je rencontre une femme qui fait du camping, qui fait du sport, qui fait les mêmes choses que moi, là, c'est plus intelligent de s'aimer psychologiquement. Mais c'est pas encore le temps. Là, si tout ça fit bien ensemble, ben on peut jaser, on peut voir. Maintenant, moi, si je suis assez intelligent, qu'est-ce que je veux faire dans l'avenir? Ah, j'aimerais donc avoir des enfants. Bon, t'as dit que j'aimerais ça. Bon, ben, c'est dangereux, là. Laisse-la. Ou laisse-le. Parce que c'est émotif. Quand il va avoir eu des enfants, qu'est-ce qu'il va faire avec? Il sait pas, il n'y a jamais pensé. Là, il fait exprimer le fait qu'il aimerait ça. Mais il n'a jamais pensé quoi faire avec. Comment les éduquer? T'sais, j'ai déjà dit dans justement la conférence sur l'éducation que tu apprenais pendant 3 ans à être infirmière, pendant 6, 7, 8 ans à être médecin, pendant 3, 4 ans à être mécanicien, pendant 4, 5 ans à être pilote, pendant plusieurs années différents métiers. Combien de temps tu te prépares pour apprendre le métier de parent? Ben, à un moment donné, le médecin me dit que tu vas être parent. Fait que là, tu prends 3-4 livres, tu vas voir comment on change les couches sans te piquer. Puis là, tu es parent. Tu sais? Mais c'est ça, c'est pas ça, être parent. C'est ça, on se prépare pas. Avant d'être parent, il faut concevoir. Avant de concevoir, il faut commencer à se préparer. Parce que entre la naissance et le fait que t'es parent, pas grand temps. C'est pas le temps d'apprendre à te préparer à être parent. Entre le temps que l'enfant vient de naître et le temps que tu deviens parent, pas le temps d'apprendre à être parent. C'est avant. 9 mois, tu es trop occupé, tu n'as pas le temps non plus. Quand tu portes l'enfant. Alors, ce qui fait que l'amour intelligent, c'est ce qui va relier deux personnes par intelligence au lieu de les relier par l'émotion. Si en plus d'être relié par l'intelligence, t'aimes ça, oh, c'est merveilleux. Mais si t'aimes pas ça psychologiquement, mais que t'aimes ça mentalement, il n'y a aucun problème. Deux savants, une femme et un homme, vont travailler ensemble. Marie Curie, puis son mari, et Curie. Eux autres, ils s'aiment pas plus que ça, mais c'est deux savants qui travaillent, qui font le même travail. Alors, à un moment donné, ils vont se marier ensemble, c'est plus facile, c'est plus intelligent. Sauf ses impôts, fait n'importe quoi, mais c'est plus intelligent. Ils sont toujours ensemble, tant qu'ils sont toujours ensemble, on l'est un peu plus. Mais ils travaillent dans le laboratoire, ils n'ont pas changé leur vie après. Puis ils ont vécu comme ils avaient vécu avant de se rencontrer jusqu'à la fin de leur mort. L'homme normal qui a un amour intelligent va faire la même chose. Moi, j'avais cette lignée-là, tu avais la même lignée, on se relie, on va s'étudier, c'est normal. Mais émotivement, tu t'étudies avec. Si on pouvait regarder, voir si ton nez me plaît, la grandeur de tes oreilles, bien, j'essaie de voir si mentalement, on s'étudie. De la même manière. Ça a l'air, oh, mais c'est pas émotif, ça ôte toutes les misères que tu vas avoir après que tu n'auras plus de bonheur. Ça ôte tout ça. Fait que tu commences par vérifier intelligemment. Alors moi, je vais faire tel genre d'affaires, puis moi aussi. Mais t'as plus de chances que dans 15 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, vous soyez encore ensemble, toujours aussi heureux. Et là, émotivement, vous allez apprendre à combler. Donc, si l'homme et la femme se marieraient, puis mariés, veut dire en guillemets, là, s'uniraient d'une façon mentale, dans 15 ans d'ici, ils seraient encore ensemble, ou ils seraient séparés, puis très bon chum. Parce qu'il y a juste dans l'amour émotif que t'as eu l'autre quand l'autre te laisse. Pas dans l'amour intelligent. Quand tu as un auto, ton char est plus bon, t'en donnes un autre. Tu haïs pas ton char. Quand c'est émotif, tu broyes après, tu gardes sa photo, ben non, t'es content. Maudit, t'es minoune. Bon, t'es content. Ça, c'est émotif. Mais c'est pas mental, c'est pas intelligent. Alors, dans 15 ans, ou vous êtes ensemble ou vous n'êtes pas ensemble. Vous êtes pas ensemble, vous êtes bien chum, ben non, vous allez jamais se faire. Puis si vous êtes encore ensemble, tout va bien, vous avez sans doute développé l'attachement émotif. Mais attachement émotif que vous allez devoir faire en sorte qu'il ne vienne pas teinter, colorer l'amour intelligent. C'est deux formes d'attraction complètement différentes. Alors, ce qui fait que l'amour intelligent permet donc à deux êtres de ne pas se dévier mutuellement de leur lignée d'évolution. Et ça, c'est important. Tu commences, depuis ta naissance, tu as un corps physique, tu as une espèce d'énergie, plusieurs formes d'énergie qui viennent s'exprimer. Donc, tu es l'être que tu es. Et tu chemines, tu évolues. Et à un moment donné, parce que tu rencontres une autre personne, il faut que tout ça soit défait. Ben, c'est ridicule. C'est complètement stupide. L'amour émotif va faire ces choses-là. Si c'est intelligent, ben, on continue. Ça va dans ta lignée. Ça va dans ce que tu pensais. Si tu changes complètement, c'est que tu as prévu de changer. Donc, que tu aies une relation ou non, tu aurais changé. Ça ne dérange pas. C'est intelligent. Si un jour on décide, bon, est-ce qu'on a des enfants? Ben, il faut savoir pourquoi. Parce qu'on est sur le bien-être et on aura plus d'argent, ben, c'est une raison. Et à un moment donné, tu vas en souffrir. Parce que j'ai besoin d'affection, achète-toi un chien. C'est plus intelligent. Ça vit moins longtemps, puis tu peux l'envoyer n'importe quand. T'as pas de complications, en tout cas. Puis c'est plus facile à adopter. Si c'est parce que tu as des raisons qui réellement sont reliées à l'intelligence de l'évolution, parce que tu as une raison, en tout cas, quelle que soit la raison, je ne vais pas vous en imposer une, mais une chose qui est certaine, c'est lorsque deux êtres qui intelligemment veulent avoir des enfants, que ce soit pour fonder une communauté, une famille, que ce soit pour expérimenter des choses, que ce soit pour n'importe quoi. Mais au moins qu'ils le sachent d'avance, que c'est pas rien que parce qu'ils aiment les enfants. Parce qu'il y en a plein d'enfants qui ont besoin de se faire aimer un peu partout, fait que t'as rien qu'à aller dilapider le manque d'émotions en se disant dans les hôpitaux pour enfants, puis un peu partout. D'être grand frère ou d'être grande sœur. C'est pas parce qu'il y a l'enfant d'un autre que tu seras pas capable. Parce que de toute façon, l'enfant, c'est toujours l'enfant d'un autre. Même si tu décides qu'il t'appartient, ben, tu vas en adapter un, tu signes un papier, tu l'achètes, il est à toi. C'est la même autre affaire que si tu le mettais au monde. Il n'y a pas grand différence. Émotivement, tu penses qu'il est à toi. Mais tu vas en souffrir, parce qu'à un moment donné, il va être à lui, puis il va s'en aller. Fait que toi, si tu ne te prépares pas avant même que tu décides qu'il est à toi, tu vas en souffrir. Alors, ce qui fait que, avant, c'est pour... Parce que tu aimes les enfants, c'est pas intelligent, c'est risqué. Faut que tu saches ce que tu veux faire. Puis un mot t'a dit bon paquet de raisons intelligentes d'avoir des enfants. Hein, on pourrait écrire un livre en 12 volumes plus l'index. C'est pas ça qui manque. Mais on pourrait écrire une planète complète en raisons émotives, par exemple. Ça, c'est un peu trop. L'amour intelligent, c'est un amour qui ne détruit rien. L'amour émotif, c'est un amour qui oblige toujours l'autre à être assujetti à ce que tu vas avoir. Fait que de temps en temps, faut que tu me fasses plaisir, ben fais plaisir. C'est un échange. L'amour émotif, c'est un échange. Mais c'est un échange illusoire. Un échange qui doit être apparent. Parce que l'émotivité n'est pas intelligente, hein, c'est pas elle. Moi, je peux pas savoir si tu m'aimes si tu me le dis pas. Je peux pas savoir si tu m'aimes si tu fais pas tout ce que je veux. Je peux pas savoir si tu m'aimes si tu ne fais pas des cadeaux. L'amour intelligent, il sait que tu l'aimes, lui. Aucun problème. C'est quoi l'amour intelligent? C'est qu'on fait des affaires ensemble. J'ai pas besoin que tu me prouves que tu m'aimes. Crime, fais-le. T'aimes faire ça, j'aime faire ça. On sait qu'on s'aime. Ça, c'est intelligent. L'amour émotif, elle voit pas l'intelligence. Elle voit pas l'échange. Il y a toujours un échange quand il y a un amour. Ça, il y a toujours amour. Sauf que l'amour émotif ne voit pas l'échange. Donc, elle doit le susciter, l'échange, pour croire. Combien de fois vous demandez à vos maris ou à vos femmes, tu m'aimes-tu? Vous êtes jamais sûr. Et si vous ne demandez pas, vous n'êtes pas plus sûr non plus. Puis combien de fois vous pensez qu'ils vous trompent, etc. L'amour intelligent, il n'y a pas de tromperie là-dedans. Donc, tu n'es jamais en quête de preuves. Et ça, c'est l'amour émotif. Fait qu'automatiquement, c'est tellement différent l'un et l'autre, il y en a un qui est assujetti au bonheur et au malheur. Puis il y en a un qui est assujetti à rien de tout ça. Il est assujetti à une efficacité puis à une tangente vers l'amélioration, l'amour intelligent. Les enfants vont être élevés d'une façon intelligente. Les enfants ne sont pas dépendants de leurs parents. Si tu dis qu'ils n'ont pas d'enfant, est-ce qu'ils s'ennuient de toi quand tu n'es pas là? Hein? Parce que là, c'est stupide. Tu l'obliges à être dépendant. Bon. Puis l'enfant, bien évidemment, il ne t'éduquera pas à t'ennuyer de lui quand tu n'es pas là. Ce qui est intelligent. Bien différent. Je ne sais pas si tu as répondu à la question aussi. C'était quelle est la préparation, premièrement, physique, vitale, astrale et mentale? Puis est-ce que l'énergie supramentale peut influencer la conception de l'enfant? Bon, on va y aller morceau par morceau. Quelle est la préparation dans le plan du physique? Pour une conception intelligente, c'est-à-dire pour une conception réelle. Entre le fait d'avoir un enfant et le fait de créer un enfant, il y a une bonne différence. Et quand je parle de créer un enfant, je parle évidemment pas de le créer en laboratoire. L'homme qui veut jouer avec la génétique en laboratoire ne connaît rien à la génétique. Il va fabriquer des mutants d'une manière terrible et ne pourra jamais. De toute façon, une chance, l'énergie intelligente va toujours l'en empêcher. Il ne pourra jamais y arriver à avoir un clonage intelligent, un clonage, enfin, avoir des êtres qui vont ressembler à des êtres humains. Et surtout, pourquoi? Parce que l'homme qui s'amuse à jouer dans la génétique va être capable de transformer la génétique physique de façon à créer un soldat parfait. Mais de créer une ménagère parfaite. De créer une personne qui va aller travailler dans les mines, un mineur. Hein, que lui, s'il meurt, c'est pas grave, on l'appelait, on en fabrique. Mais il ne sera jamais... Pourquoi c'est interdit par l'intelligence? Parce que le corps humain sert à l'expérience des intelligences. Il ne sert pas juste à servir celui qui expérimente dans un corps. Il sert à l'intelligence. Il lui sert pour pouvoir expérimenter dans la planète. Avoir de l'expérience sur la planète. Donc, l'homme qui joue dans la génétique ne connaît rien à la psychologie, à l'astral. Il ne connaît rien au vital, il ne connaît rien au mental. Et encore moins aux énergies qui pourraient se relier à l'énergie mentale. Donc, il ne peut pas transformer le corps physique de façon à ce qu'il exprime une psychologie nouvelle. De façon à ce qu'il soit plus intelligent. Mais pas être intelligent d'une façon ordonnée comme l'ordinateur. assujetti aux ordres que nous, on lui donne. Une façon intelligente, autonome. L'homme ne peut pas arriver à créer un être humain comme ça par la chimie. Donc, préparation physique, elle doit donc être obligatoire, comme tout à l'heure on avait commencé à en parler, en ce qui concerne, par exemple, le fait d'avoir un ovule qui va être en harmonie. En harmonie avec l'idée de la création. Qu'est-ce qui est pressé? L'astral, l'émotion. La psychologie de l'homme, elle est pressée. Alors bon, ça y est, je me suis purifié, j'ai fait 3-4 bouffées d'encens, j'ai allumé un cierge, et puis j'ai mangé une pomme, puis j'ai pas mangé de viande depuis 2 semaines. Bon, je suis purifié. Fait que là, on peut y aller. Ça, c'est psychologique. Tu penses avoir compris l'intelligence de la conception, mais t'as rien compris. L'énergie physique, elle absorbe. Quand tu te laves, tu élimines plusieurs traces d'astralité qui t'a ramassé, de vitalité qui t'a ramassé à l'extérieur. Donc, tu te désassujettis de différentes manipulations, y compris les traces physiques, hein, les maladies, qui sont une manipulation. Bon. Mais te purifier par l'intérieur prend un certain temps. C'est-à-dire qu'il faut que tu saches ce que tu veux faire mentalement. Et il faut donc que le corps physique soit dans un état qui va être en résonance avec l'idée mentale de la création. Et ça, ça prend un certain temps. Vous êtes stressé? Avant que le stress psychologique finisse par donner une maladie psychologique, ça prend un certain temps. C'est pas immédiat, sauf dans certains très rares cas. Donc, ça prend aussi un certain temps avant que l'énergie mentale vienne perturber l'énergie psychologique, qui perturbe l'énergie vitale, qui vienne transformer l'énergie physique. Et l'ovule et le spermatozoïde est de l'énergie physique de prime abord. Un ovule qui n'est pas en bon état, même s'il y a plein d'énergie vitale qui vient se greffer, ne donnera pas un enfant en bon état. Donc, préparation physique, elle est longue, de façon à ce que la femme et l'homme aient des possibilités de conception dans un état le plus parfait qu'ils peuvent avoir. Évidemment, avant de concevoir, on devrait s'arranger pour se transformer. On n'a pas les enfants à l'âge de 14 ans. On n'a pas eu le temps d'évoluer dans le plan physique. Lorsque le physique s'est complètement transformé, lorsque tu as acquis des choses nouvelles que tes parents n'avaient pas, là, c'est le temps de concevoir pour pouvoir imprimer ton évolution dans le plan de l'homme, dans la génétique humaine, de façon à ce que l'humanité, après son départ, poursuive ton évolution. De façon à ce qu'à un moment donné, quand tu vas te réincarner, tu vas pouvoir continuer ce que tu as commencé là. Puis ceux qui vont faire la job entre-temps, c'est aussi du tout ça. Alors, ce qui fait que préparation physique est extrêmement importante chez l'homme et chez la femme, on l'a vu un petit peu au niveau de la première conférence. Préparation vitale. Ben, l'énergie vitale, elle se récolte par la respiration. Différents mécanismes qui permettent de la ramasser. Évidemment, si le vital est complètement perturbé par la vitalité de l'anhydride sulfureux, par la vitalité du monoxyde de carbone, bref, par les pollutions, qui existe parce qu'il y a une forme vitale qui retient la molécule ensemble. Donc, c'est préférable de se préparer dans un endroit qui est le plus pur possible. Ou d'acheter des appareils qui créent cet endroit-là. Un purificateur d'air, un ionisateur d'air, etc. Bon. Maintenant, on doit manger comme il faut. Alors, on a déjà expliqué que lorsque l'on mangeait de la viande, bien, la viande, ça laisse la table à pourri. Parce qu'il n'y a pas de vitalité dedans. La vitalité, la vie ayant quitté la viande pourrit. Si la vitalité coûte le verre désagrège. Et pour ôter la vitalité du plastique, ça prend des milliers d'années avant qu'il se désagrège. Quelque chose qui est biodégradable, c'est quelque chose qui est animé par une vitalité beaucoup plus proche de la vitalité évoluante qu'une chose qui n'est pas biodégradable, qui est animée par une vitalité extrêmement minérale. Si tu manges des légumes, par contre, le légume sur une table ne pourrit pas. Il va continuer à germer, comme une pomme qui est verte va devenir rouge. Alors donc, il y a, dans la nourriture végétarienne, plusieurs formes de captation de vitalité possible. Évidemment, si tu fais cuire, tu détruis la vitalité, parce que le feu, c'est proche de l'énergie vitale, et il détruit la vitalité. Bon. Alors, ça veut pas dire de manger avec des légumes, là. Faut absolument faire attention à aussi fournir au corps les éléments essentiels à la création d'un enfant. Donc, on doit donc intelligemment vérifier à ce qu'on puisse manger le plus de choses vitales possibles, beaucoup de repos, des choses qui vont énergiser l'homme, ne pas gaspiller d'énergie vitale, donc ne pas être en colère, parce qu'en étant en colère, c'est l'énergie psychologique qui sert de la vitalité du corps pour exprimer, et ne pas avoir de relations sexuelles. Sauf que pendant les... l'homme devrait avoir des relations sexuelles ou encore avoir une sexualité pendant que la femme va passer quelques mois à éliminer ses ovules. L'homme doit faire cela pour éliminer ses spermatozoïdes. De façon à ce que le corps en engendre des neufs qui vont être en relation avec la vibration de l'homme sur tous ses plans pour permettre la conception, la création de l'enfant. Là, on va créer réellement un réceptacle, c'est ce qu'il faut. Au niveau vital, donc, il y a plusieurs choses en genre, mais ce n'est pas parce que tu bouffes du céleri que tu vas avoir un enfant très fort. Il va manquer plusieurs minéraux. Alors donc, la femme et le mari doivent faire attention. Maintenant, encore là, l'homme intelligent devrait savoir, et ça encore moralement, c'est interdit. Mais intelligemment, c'est permis. Le choix. Entre, est-ce que nous avons besoin d'un garçon ou d'une fille? Parce que l'homme et la femme peuvent déterminer le sexe de l'enfant. Et ça, disons qu'on va passer là-dessus, ça va dans d'autres conférences, on va parler de l'éducation, où il y a des phénomènes qui sont plus adéquats avec des hommes, avec des enfants mâles et avec des enfants femelles, dépendant évidemment de plusieurs choses. Alors l'homme qui a des spermatozoïdes qui vont engendrer des femelles et des mâles, ces spermatozoïdes vivent mieux dans un milieu acide ou basique, ou sucré ou salin. Donc, la femme, selon la nourriture que la femme va pouvoir régurgiter, elle va permettre la survie d'une sorte, d'un sexe de spermatozoïde. Donc, elle aura donc 99% des chances d'avoir l'enfant de sexe, celui qui a été prévu. Maintenant, c'est pas l'émotion qui prévoit le sexe de l'enfant. Là. Comme ben un garçon, ça va un garçon. Là. C'est pas ça, là. C'est pas intelligent, ça. Là. Alors, vitalement, tu vérifie ces choses-là de façon à ce que physiquement tu aies l'alimentation nécessaire, très important, et vitalement tu aies aussi l'alimentation nécessaire. Psychologiquement, c'est là qu'il faut un cadre adéquat à la conception de l'enfant. Donc, tu devras vérifier selon la résonance psychologique des concepteurs, des créateurs, de l'homme et de la femme, si c'est préférable que ce soit sur une plage perdue sur une île en Polynésie. Ou s'il faut absolument que ce soit en Alaska. Ça dépend de la psychologie de l'homme. Ça n'influencera pas. L'extérieur n'influencera pas. Évidemment, si c'est à Hiroshima, en pleine explosion nucléaire, l'extérieur va influencer. Mais comme tel, ce n'est pas parce que tu es les rideaux sont telle couleur ou etc. Okay? C'est pas une chromatonaissance que nous devons vérifier. C'est simplement le fait que toi, tu te sens bien, tu es en harmonie. Ta psychologie, elle est sécuritaire. Elle est sécure. Donc, elle ne recherche rien, ce qui fait qu'elle n'engendrera pas un mécanisme de recherche, elle n'engendrera pas la création de sécurité en puisant dans l'énergie vitale pour énergiser sa psychologie ou en puisant dans l'énergie mentale pour se domestiquer, pour se dompter, encore là, pour pouvoir se sécuriser. Si le cadre extérieur plaît aux deux égaux qui vont concevoir, automatiquement, c'est réglé au niveau de l'harmonie astrale. C'est-à-dire que les parents doivent avoir la sécurité, ils doivent avoir un cadre qui plaît au physique pour plaire à la psychologie, ni trop chaud ni trop froid. Enfin, ça dépend simplement de chaque être humain. Ils doivent vérifier à trouver un endroit où ils vont pouvoir vivre le laps de purification, disons, de façon que la psychologie n'entre jamais en guerre contre l'extérieur. Et la préparation mentale. La préparation mentale, cela veut simplement dire qu'elle doit être faite en premier. C'est elle qui aura donc ordonné la purification physique, vitale et psychologique. C'est-à-dire, c'est la préparation mentale qui donnera comme résultat l'idée de la conception et qui donc déterminera le cadre de purification ou de préparation physique, vitale et astrale, psychologique. La préparation mentale, c'est celle qui est la primordiale. C'est la première. Tout le reste ne peut venir que par croyance psychologique s'il n'y a pas préparation mentale antérieure. On va le faire parce que ça le plus à notre ego. Ça fait avec nos concepts, donc on le fait. Ben déjà là, au moins, tu vas engendrer mieux. Mais pour engendrer mieux, il faudrait que ton mental soit préparé. Préparation mentale, cela veut dire que tu es conséquentiel dans l'acte que tu vas poser, que tu sais pourquoi tu vas le faire et que le cadre subséquent, le cadre qui va suivre la naissance soit déjà préparé. Je parle pas des petits berceaux, des petits bas de laine que grand-maman a tricoté. Ça, c'est pas le cadre qui va suivre la naissance. Je parle du cadre d'éducation. La préparation mentale, c'est elle qui va limiter la conception. Tout à l'heure, il y a une personne qui veut me dire. Ouais, mais. Bref. Et la personne lui a dit, elle a dit à la classe que pour avoir des enfants, préparez-vous, il faut 20 ans de préparation. Vous êtes déjà en retard. Ici, il y a 15 ans. Ben, c'est. Même si ça vient d'un cadre religieux, c'est extrêmement intelligent. C'est pas nécessairement intelligent ce qu'il lui a fait dire, mais c'est intelligent. C'est vrai. Ça prend 20 ans. Ben, ça peut prendre 15 ans, puis 10 ans, puis 5 ans, puis 1 an. Mais c'est extrêmement long. La préparation, la conception d'un enfant, c'est long. Lorsque l'énergie mentale veut concevoir, c'est parce que tout a été prévu et préparé. Et quand je dis tout a été prévu, ben, au moins, tu as prévu que l'imprévu pourrait survenir, et tu sais, tu es préparé à t'adapter à ces choses. Tu dois créer un enfant non pas pour te plaire. C'est la préparation mentale. Si l'enfant naît, il est monstrueux, ça ne touche personne. On recommence. Si l'enfant meurt dans une expérience de sa vie, ça ne te touchera pas. On recommence. Et on peut pas dire, ah, mais il est pas humain. Ben, c'est d'être humain de brailler à tout bout de champ, puis toujours avoir peur, puis de limiter nos enfants parce qu'on a peur de les perdre, puis de les perdre de toute façon bien en claquant la porte, puis d'avoir un paquet de problèmes comme on connaît dans nos sociétés. Ben, si c'est ça être humain, ben, soyons, nous essayons de ne plus être humain. L'humain qui veut devenir Dieu, ben, là, il transformera pas Dieu en être humain pour rester humain, hein. Il faut à un moment donné qu'il abandonne l'état d'être humain puis qu'il change. Bon. Alors donc, l'homme va, et la femme, auront une émotion nécessaire à l'énergisation de l'astral de l'enfant, mais ils n'auront pas d'émotion perturbatrice de leur énergie mentale qui a déterminé la conception de l'enfant. La préparation mentale se fait longue date avant, et la préparation mentale se fait chez deux individus qui ne se connaissent pas normalement, qui se relieront par amour mental. Ils peuvent évidemment se relier par amour psychologique et de par leur cheminement développer un amour mental. Cela se peut. Cela est rare, cela se peut. La préparation mentale, c'est ce qui va obliger la conception de l'enfant. C'est ce qui va la déterminer, et c'est elle qui va régir la préparation physique, la préparation vitale, la préparation astrale, au niveau, puis pour arriver, évidemment, à l'étape, disons, de la conception. Le mental bien avant. L'énergie supramentale peut influencer, dans certains rares cas, soit la mutation génétique de l'enfant, soit la mutation génétique des concepteurs, ou encore soit la conception même de l'enfant sans concepteur. Je remarque que finalement, il y a très peu de personnes qui ont le psychologique suffisamment sécure pour se permettre ça. Dans un sens, est-ce qu'il y a des... Bon, on parle de conception, mais est-ce qu'il y a des événements qui justifient l'arrêt d'une conception aussi? L'avortement? C'est très diplomate ta question, mais c'est l'avortement, hein? C'est ça, oui. Non, mais est-ce que l'idée qui me vient, c'est est-ce qu'à un moment donné, il y a des gens qui peuvent. Que ça peut être prévu? Parce que j'ai remarqué. Présentement, c'est pas le temps qu'on parle de l'avortement. Alors, ce qui fait que possiblement que beaucoup plus tard, on pourra revenir sur ce phénomène, mais présentement, donc, c'est pas le temps. OK. Bien, j'ai une question ici, puis ça rejoint quelque chose que je pensais durant la première partie. Je vois qu'il faut créer un environnement autant physique que psychologique, paisible et en santé, afin d'attirer une des entités réincarnatives plus hautes en vibration dans un fœtus en formation. Oui, mais je vais juste couper, il ne faut pas le faire dans l'espoir d'avoir un enfant plus divin que les autres. C'est ce que ça va donner. Tu crées un cadre pour permettre à une entité plus évoluée ou encore une expérience plus évoluée de pouvoir venir prendre possession du corps. Mais on ne doit pas le faire dans ce but. Hein? Les maris qui ont voulu réenfanter Jésus, ils ont eu plein. Mais il n'y a pas eu plein de Jésus. Mais si on prend l'inverse, tantôt, première partie, tu parlais de mettons exemple, question pathologique, un violeur. Est-ce que réellement, il y a des entités qui essayent à tout prix de rentrer, à manipuler l'homme pour rentrer à travers la psychologie? Oui. ou la personne qui serait dans cet exemple-là, ce serait simplement des frustrations qu'elle a accumulées, puis à un moment donné, sortirait. Donc, là, en posant là, on s'éloigne. On parle d'exceptionnelle exception. Ou une entité qui veut se réincarner, va par l'intermédiaire de l'astral d'une société, va prendre possession d'un individu pour violer une femme X, pour qu'elle ait un enfant, de façon à ce que ces entités puissent prendre possession de l'enfant, donc elle se réincarne par l'appel de la Terre. Là, on parle d'exemples extrêmement rares. Mais cela peut arriver quand même. Ce n'est pas courant. Plus souvent qu'autrement, c'est une entité, un homme, manipulé par un astral planétaire, un astral social, une psychologie de la société, qui lui a bâti des frustrations, qui l'a limité dans une expression sexuelle ou psychologique, qui fait qu'à un moment donné, sous la manipulation d'un égrégore de tous ces pauvres hommes-là ou femmes-là, bien, ces égrégores se réunissent dans un endroit où il y a ce bonhomme, qui est dans un état parfait pour être manipulé, et il va violer. Alors, il va tuer. Mais là, encore là, on parle d'une manipulation encore un peu exceptionnelle. Donc, en fait, au moment de la conception, il n'y a pas un tas d'entités qui cherchent... Qui se mettent l'une contre l'autre pour pouvoir... Tous ceux qui sont similairement vibratoirement pareils se fusionnent de toute façon bien avant d'apparaître. Quand on parle d'entités qui se lutteraient pour se réincarner, on ne parle évidemment que d'entités astrales, on ne parle pas d'entités mentales, etc. Et l'énergie supramentale ou l'esprit ne veut pas se réincarner, il expérimente simplement avec par l'intermédiaire d'un corps. Mais les corps, quel que soit le corps qui apparaît, quelle que soit l'entité astrale réincarnative qui rentre dedans, lui s'en sert pareil. Il n'y a aucun problème. Bon. Il manipule. Sauf que l'ego qu'il prend ne veut pas le savoir, puis il pense que c'est lui qui manipule, puis il lutte contre l'autre. Alors, ce qui fait que, de toute façon, le corps qui va naître ne peut attirer que l'énergie qui peut l'habiter. C'est pour ça que plus le corps est en santé, plus le corps est évolué, prenez de la drogue, vous n'êtes plus vous-même. C'est-à-dire que l'énergie qui arrive à s'exprimer dans un corps drogué n'est pas la même énergie qui arrive à s'exprimer dans un corps sain. Purifiez-vous, prenez des vacances, enfin bref, plus vous allez améliorer votre corporalité, plus l'évolution est plaisante et facile. Et l'évolution se doit d'être facile, mais il faut avoir le corps qui le permet. Donc, les entités qui veulent se réincarner, ceux qui sont similairement pareils vont se fusionner. Ils ne se bousculeront pas à la sortie du vagin pour reprendre possession de l'enfant qui va naître. Les jumeaux peuvent se bousculer, mais c'est pas mal tout. L'entité est fusionnée. C'est-à-dire que les énergies similaires sont gérées l'une par rapport à l'autre et le corps attire une forme d'entité. Selon sa génétique, l'entité psychologique va venir l'habiter et dans le processus d'éducation de l'enfant, c'est-à-dire de l'âge de 1 an aller jusqu'à l'âge de 12 ans, il devra vivre un processus de fusion des personnalités réincarnatives psychologiques, évidemment, à l'intérieur de lui. C'est autre chose pour l'énergie mentale, mais elle ne se bouscule pas pour pénétrer. L'énergie mentale, même chose, mais est attirée par un phénomène cérébral. L'énergie mentale n'étant pas identifiée présentement chez l'homme, elle n'a pas d'ego dans l'UFOMOR, dans le monde des morts, et il n'y a donc pas de recherche d'énergie mentale, de prendre possession d'un corps. Il n'y a qu'une forme d'énergie mentale qui, comme l'esprit, vient manipuler différents corps selon les possibilités qu'offre le cerveau du corps. Alors, il n'y a pas de lutte. De quelle manière le taux vibratoire ou le niveau de conscientisation influe-t-il sur le corps physique? Est-ce pas seulement une mutation du cerveau ou une mutation de chaque cellule du corps? La mutation va s'opérer au niveau de tout le corps. Elle sera perceptible par l'expression du corps, par l'efficacité que le corps va apporter dans le monde matériel. Alors donc, même si tu es génial, si ton cerveau n'est pas un cerveau génial qui permet l'expression d'un génie, l'expression de ton corps ne sera jamais géniale. Donc, l'énergie vibratoire du corps, l'énergie qui transmute le corps, elle va transmuer le cerveau, donc le corps, les neurones, mais elle devra, et elle le va le faire, transmuer toutes les cellules pour permettre justement l'amélioration de la race au niveau de la conception d'un enfant. Alors, continuellement, l'homme qui évolue a des mutations physiques. La preuve, il vieillit. Première expression de la mutation qui va être opérée surtout par un mauvais travail avec l'énergie vitale, au niveau de la sexualité, au niveau de plusieurs autres choses, et surtout au niveau de la demande de captation de l'énergie vitale. Alors donc, l'énergie supramental, par exemple, qui descend chez l'homme et qui le transforme, transforme. Chaque molécule transforme son corps. Ce n'est pas toujours apparent. Par contre, cela peut être apparent dans la région du cœur, où de temps en temps, une personne va avoir des symptômes d'infarctus du myocarde, avec des douleurs intestinales, des douleurs extrêmement poignantes, mais il n'y aura rien pathologiquement. Il y a des transformations neurologiques qui vont se passer, une forme de crise d'angine, mais extrêmement aiguë, qui disparaît presque instantanément après l'apparition. On t'enfonce une aiguille bord en bord du corps et elle disparaît. T'as pas encore eu le temps de crier que c'est plus là, mais t'as eu mal. T'as des transformations au niveau de la peau, au niveau de la transpiration, au niveau du système endocrinien, mais ça va être surtout localisé au niveau du cerveau. Alors, c'est normal qu'une personne qui est en phase de mutation, on appelle ça en phase de conscientisation, vive des modifications physiques parce qu'il y a transformation. Il y a transformation dans la génétique et lorsque les cellules se reproduisent, il y a aussi transformation dans le plan même de l'homme. Une preuve de la transformation génétique dans l'évolution de l'homme, c'est la transformation des lignes de sa main, par exemple. Les lignes de votre main ont une certaine configuration. Votre visage aussi, on peut voir par la caractérologie un peu la psychologie de l'homme. Et lorsque l'homme évolue, ses lignes de main changent. Cela veut dire que les cellules qui se reproduisent n'acceptent pas le même pli. Elles n'ont pas la même constitution. Et le pli va donc se faire d'une autre façon. Et étudiant les plis, en réalité, on étudie la génétique chez l'homme. En réalité, on étudie donc les possibilités que laisse le corps à l'expression de l'énergie astrale. Donc, sans savoir ce que l'on fait, on étudie donc l'énergie astrale qui tend à s'exprimer. Alors donc, évidemment, il y a des transformations régulières dans le plan du physique autre que le cerveau. Mais ce qui nous intéresse le plus, c'est au niveau cérébral, parce que c'est là que l'énergie qui conscientise va pouvoir se loger ou encore prendre possession du corps de l'homme. Avant de naître, pouvons-nous aller voir le lieu, la maison, les parents, le contexte familial, afin de savoir ce qui nous attend? Mais voyez-vous, présentement, vous êtes vivant. Est-ce que vous savez que c'est que vous avez besoin d'évoluer encore mieux que vous êtes là? Savez-vous? En gagnant 1 million, vous ne pouvez pas être sûr. Vous pensez que ça va améliorer votre sort, mais vous n'êtes pas tout à fait sûr. Mais c'est pas parce que vous êtes mort et que vous voulez vous réincarner que vous allez savoir exactement le contexte le plus parfait pour vous autres. C'est pas parce que vous êtes mort que vous en savez plus. Présentement, vous vous exprimez dans un corps, et celui qui voudrait savoir cela, c'est la psychologie égoïque, encore une fois, qui rechercherait, qui a une idée de l'évolution, et qui aimerait bâtir le cadre nécessaire. Mais encore là, si présentement je vous offre la possibilité de repartir à zéro, dessinez, écrivez-moi sur un papier le cadre parfait pour une nouvelle naissance. Mais vous allez me dire, ouais, mais dans 5 ans d'ici, le cadre que j'aurai dessiné, qu'est-ce qu'il va être? Non, mais bref, vous ne pourrez jamais choisir le cadre de votre évolution. L'idée de la réincarnation du gars qui vole le grand roi, qui est riche, puis qui vole tout le monde, qui est le fond mort, se réincarne dans le paysan pauvre, qui se fait voler, c'est une farce. Une farce à rien, ça sert à rien, ça vient de l'Inde. C'est inutile, c'est pas comme cela que ça fonctionne. Donc, qu'est-ce qui détermine votre cadre? C'est votre évolution présentement. C'est présentement que vous allez déterminer le cadre de votre prochaine incarnation. Cela a un rapport d'amour. C'est l'amour qui détermine, et pas l'amour psychologique, pas inclus. Tout. Le corps physique va, par amour, attirer une énergie vitale similaire. Il va y avoir vie. Ces deux formes-là vont attirer, par amour, une énergie psychologique similaire. Il va y avoir égocentricité, création d'un homme. Lui va attirer, par attraction vibratoire, par amour, une entité mentale similaire. Il va y avoir un homme intelligent. Et là, on a donc le cadre. Mais si le corps physique est né en pleine guerre du Vietnam, et c'est un corps qui, par le, disons, hasard génétique, a permis à travers plusieurs personnes guerrières d'enfanter un roi, parce que chaque partie récessive qui était divine chez chaque Vietnamien se rassemble à un moment donné puis tombe à être tout dominant chez un enfant qui vient au monde, bien lui devient un roi. Alors, vous n'avez pas choisi votre cadre, mais l'attraction du physique par rapport aux énergies qui vont aller avec vont se réincarner dedans. Et on a donc un homme qui, à travers une peuplade d'imbéciles, est un dieu, un chef. De cette façon, l'homme choisit sa prochaine incarnation. Pas dans le monde des morts, qui va planer, qui va manger, puis qui dit « Ah, cette famille-là, génial, celle-là que je veux. » Alors, tous ceux qui naissent au Bangladesh, puis partout sur la terre, ils s'en vont à l'imbécile d'avoir choisi une naissance là-bas. Mais l'homme ne dirige pas ça. Vous n'avez pas choisi votre naissance, ni de quelle façon vous auriez vos bras, ni quelle attitude physique, ni quelle expression physique vous auriez. Vous n'avez jamais choisi ça. Le nombre de fois qu'on vous a piqué en changeant vos couches, je n'ai pas choisi non plus. Alors, ce qui fait que l'homme ne choisit pas de cette façon. L'ego aime se rassurer en pensant qu'il survit après la mort du corps physique, qu'il plane dans un monde similaire, pas trop différent, on va s'ennuyer, on va avoir peur, et qu'il peut rencontrer ceux qu'il a aimés, mais qu'il ne rencontre pas ceux qu'il n'a pas aimés. Bel imbécile. Et puis après ça, quand il va s'être suffisamment reposé, puis qu'il va avoir le temps de fouiller dans le gros livre qu'il a toute sa vie dedans, ben là, il va choisir un autre milieu pour continuer à évoluer, quand il ne sait même pas c'est quoi l'évolution. Bon, mais c'est pas mal que ça fonctionne, c'est pas vrai. Alors, ce qui fait que on ne choisit pas une fois mort, mais on construit vivant le cadre de son incarnation. Vous êtes comme vous êtes et votre corps vous supporte. Si présentement vous mourrez et qu'on ranime le corps, c'est vous qui allez retourner dedans. Pourquoi? Pour la simple raison que le corps attire une entité, des entités, des formes d'énergie X. Il n'y en a pas 50. Alors, une personne qui tombe à l'arrêt cardiaque, qui est mort, elle va vivre une espèce de petit voyage astral pendant que les corps sont en train de se libérer du corps physique. Et à un moment donné, on ranime la personne. C'est elle qui revient là-dedans. C'est elle qui est attirée. C'est l'amour. Elle se ramasse dans son corps. Même si psychologiquement, elle a voulu rester l'autre bord, c'est pas ça qui domine. Hein? C'est le corps qui domine, le vital. L'astral est embarqué puis il est écrasé par le mental. Même cette personne aurait voulu continuer puis qu'elle regrette d'être revenue au monde, ça n'a aucun rapport. C'est vous autres qui revenez là-dedans. Il y a différents moyens de sorcellerie, de magie noire, qui peuvent faire certaines choses, mais disons que ça, c'est extrêmement encore exceptionnel. Alors, vous, en vivant présentement, en évoluant psychologiquement, mentalement, en faisant travailler le corps, donc en incrustant dans la génétique vos transformations évolutives, vous allez engendrer des corps qui un jour vont vous réengendrer. C'est comme ça que ça fonctionne. Là, vous choisissez votre prochaine incarnation. C'est pour ça que l'homme doit s'occuper de construire une société, de veiller à ce qu'après sa mort, la société donne les résultats intelligents nécessaires, que les enfants soient suffisamment solides et bien éduqués pour être autonomes, pour continuer à bâtir la société qui va leur donner le jour plus tard. Là, on construit. Vous voulez être riche, démerdez-vous pour qu'on ait une société riche, puis qu'elle reste riche après. Sinon, bien évidemment, vous allez renaître dans un cadre, mais le cadre social va peut-être avoir été déterminé par ceux qui ont vécu avant. C'est bien normal. Alors, dans le vivant, on construit l'avenir. Et c'est pas émotivement qu'on doit le faire, on va encore se gourer. C'est intelligemment. Qu'est-ce qui est essentiel, qu'est-ce qui est utile, après ce qui est plaisant. C'est tout à fait l'inverse de la psychologie. Est-ce vrai ou faux de dire que c'est l'enfant qui choisit ses parents? Ben, que je dise oui ou que je dise que c'est vrai ou que c'est faux, ça ne change rien dans la tête de ceux qui posent la question. Hein? Si vous pensez que c'est vrai, je dis vrai, ça va vous réconforter. Puis si je dis l'inverse, ça ne changera rien. De toute façon, l'enfant, il est déterminé par la génétique, l'enfant corporel. Et la vitalité des parents détermine la santé de l'enfant. Évidemment, la génétique a sa part là-dedans, mais la vitalité des parents aussi. Et par après, l'enfant conçu va lui-même déterminer la conception, le corps, va déterminer quel genre d'énergie qu'ils vont pouvoir s'y greffer pour s'exprimer. Et là, on sera correct. Prenons par exemple l'exemple d'une personne qui naît avec une déformation cérébrale comme un Mongol. On a différents types de Mongols, on a différents types d'arriérés. Et n'importe qui, vous pouvez voir à leur physionomie qu'ils sont arriérés. Ben, le monde romain compte un petit peu observateur. Ils ont une boîte crânienne typique, avec un cerveau typique et des énergies qui s'expriment typiques. Et si on regarde une autre personne qui est intelligente, elle a une boîte crânienne qui est d'un autre ordre, et elle aura donc la possibilité d'avoir un cerveau d'un autre ordre, et il y aura donc d'autres ordres d'énergie qui s'exprimeront à l'intérieur de ça. Alors, ce qui fait que l'enfant ne choisit pas le parent, le parent ne choisit pas l'enfant. Et ça, j'ai déjà dit, quand les enfants viennent vous dire, ouais, c'est pas de ma faute, si tu vas venir au monde, ben vous lui répondez, c'est pas de ma faute, c'est toi que j'ai venu au monde non plus. C'est pas toi que je voulais avoir. Fait comme ça, ben tout le monde est égal, tout est équitable. Pas faute à personne. Et ça se passe simplement par amour. Par amour psychologique, par amour physique à énergie vitale, astrale et mentale. Lors d'une conscientisation réelle, s'il y a mutation génétique, comment se fait-elle? Est-il possible d'accélérer consciemment cette mutation? Si oui, comment? Il sera possible d'accélérer consciemment cette mutation lorsque l'homme sera assez muté pour qu'automatiquement cela devienne plus rapide. Et il croira que c'est consciemment qu'il accélère, quand en réalité, ce ne sera qu'un résultat de cette mutation. Vous voulez accélérer votre évolution, ça ne vous regarde même pas. Par contre, certains vont dire, oui, mais si je suis tel cours, ben, si tu suis tel cours, c'est parce que neurologiquement parlant et expérientiellement parlant, tu avais suffisamment, tu avais ce qu'il fallait pour que tu décides de suivre le cours. Mais en réalité, tu ne l'as pas décidé. Tu penses que tu as décidé. Alors, tu suis le cours et le cours t'accélère. Le cours te fait voler plus rapidement. Mais c'est parce que tu n'as pas le choix que tu accélères plus rapidement. Et la journée que tu décides, bon, on va faire une initiation quelque part. Bien, tu décides ça parce que tu es rendu dans un état énergétique où tu peux le décider. En réalité, tu ne décides rien. Tu exprimes l'état de l'homme. Et l'ego pense qu'il vient de décider. Lorsque tu décides de monter, de monter les marches de l'oratoire Saint-Joseph en courant, bien, c'est parce que le temps physique le peut. C'est parce que tout en toi peut faire en sorte que tu le décides. Sinon, c'est que ton ego, elle est dans une forme de vibration qui lui permet de se sentir supérieur à ce qu'il est, ce qu'elle est. Hein? Elle n'a pas voulu entraîner les corps, mais elle croit qu'elle est capable. Et là, tu le décides. Mais en réalité, c'est parce que ton ego te permettait. Chaque fois que l'homme prend une décision, c'est parce qu'il est suffisamment transformé où il a le quota nécessaire à prendre à ce que cette décision apparaît dans sa tête, mais il est manipulé. Vous pouvez accélérer votre évolution seulement lorsque vous allez être capable d'accélérer votre évolution, c'est-à-dire lorsque vous allez avoir suffisamment de batteries pour capter ce qu'il faut qu'il rentre. Et lorsque vous avez les batteries, ben là vous dites, je vais accélérer. Ça marche, je me suis conscientisé, j'ai pris telle décision, puis j'ai accéléré. C'est-à-dire qu'en réalité, votre schéma neurologique, mon chemin énergétique était suffisamment adéquat pour voir que par là-bas, il y aurait expérience qui permettrait de réénergiser. Mais si, à l'origine, ce schéma énergétique n'était pas suffisamment grand, vous n'auriez pas pris la décision de suivre tel ou tel cours. Et lorsque c'est l'énergie astrale qui prend la décision, elle recherche la sécurité, ce qui fait qu'elle magasine d'un cours à une religion, d'une religion à un cours, d'un cours à une secte, etc. Mais l'homme ne peut pas consciemment accélérer. L'homme peut croire que consciemment il accélère, mais cela ne le regarde pas. C'est pas lui qui manipule ça. Si ce serait lui qui manipulerait ça, il aurait transformé la planète depuis longtemps. Et ça aurait été réellement joli. Parce que chacun a son idée d'évolution. D'ailleurs, on se bat assez pour ça. L'homme, la femme, lorsqu'elles ont un cerveau transformé d'une façon particulière, elles vont donc pouvoir recevoir des énergies particulières et ce contexte fait qu'elles vont vouloir foncer dans tel endroit, vivre telle initiation, faire tel voyage, suivre tel cours au niveau mental. Mais l'ego en dessous se dit hey, « j'ai bien fait de prendre la décision ». L'ego n'a pas le choix de prendre la décision. Avez-vous le choix d'évoluer? Est-ce qu'à un moment donné, vous vous êtes dit « tiens, on va commencer à m'intéresser à ça ». Bien, essayez de plus vous en intéresser, c'est pas capable. Puis lentement, vous avez découvert que vous étiez déjà en train de vous y intéresser. Mais vous n'avez pas pris la décision. Vous pensez que vous prenez des décisions, mais les décisions, on les prend à votre place. Et les décisions sont prises comment? Exactement lorsque du sel est placé dans l'eau, le sel prend-il la décision de se dissoudre? L'eau prend-elle la décision de se dissoudre, le sel? Non. Le sel dans l'eau se dissout, donc se dissout. Si l'ego, si l'eau aurait un ego, l'ego dirait, bon, on va dissoudre le sel. À un moment donné, là, je t'écœurerai. C'est parce qu'il n'y a plus de place pour dissoudre le sel. C'est saturé. Donc, le sel coule au fond. Si le sel aurait un ego, le sel tombant dans l'eau dirait, bon, là, je me dissoudre. À un moment donné, il y a certains égos du sel qui diront, oh, moi, je me dissous pas, je t'en ai. Mais c'est parce que l'eau est saturée. C'est pour cela. Ça a l'air bien imbécile, c'est un mécanisme qui doit être compris à un moment donné par le libre arbitre. Vous êtes venu ici ce soir parce que vous avez décidé. Vous êtes d'accord avec moi que si le centre n'existerait pas, vous ne seriez pas venu. Donc, votre décision, elle a déjà été influencée. Il fallait que le centre existe pour que vous puissiez décider de venir. Il fallait aussi que vous entendiez parler de la place. Donc, votre décision était influencée. Fallait aussi que peut-être que certaines personnes vous amènent. Fallait que le titre vous influence. Fallait que plusieurs choses additionnées font que vous êtes dans un état X qui fait que l'ego croit qu'il prend une décision. Mais l'ego ne prend pas de décision, il ne fait que croire prendre une décision. À un moment donné, il y a un, vous êtes en train d'avoir un accident et là, vous évitez l'accident. Hey, l'ego, hein? Je suis collègue en maudit, moi, là. Deux jours après, bang! Ah, là, j'ai rien vu, là, je n'ai pas vu, je comprends pas. Mais c'est le même ego. Mais une journée, vous étiez dans un contexte qui permettait des énergies de s'exprimer, et ces énergies-là sont exprimées d'une certaine manière efficace. L'ego a pensé que c'est lui, évidemment. Et une autre journée, vous avez mangé d'autres choses, vous avez changé votre taux vibratoire, vous avez vécu des expériences, et vous n'êtes plus dans le même état. Et là, bang! Que l'ego, ben là, il est toujours aussi bon, mais il ne l'a vraiment pas vu. C'est pas faux. Bon. Alors, ce qui fait que l'homme, la femme, croit prendre des décisions. Ces décisions sont prises par rapport, elles sont prises par l'extérieur, c'est-à-dire que lorsque l'homme est fait prêt à faire quelque chose, il le fait. Il peut penser que c'est une décision. Il peut penser qu'il agit. Mais il agit jamais, il réagit toujours. Tu te lances en verre d'eau, tu décides que tu me l'as en pleine face ou d'un autre, tu te parles. Mais d'une manière ou d'une autre, une réaction. Alors, si, quelle que soit la chose que vous faites, vous réagissez. C'est plus grave que ça. L'homme a une espèce de libre-arbitre très limité, mais pas plus gros que ça. Alors, l'homme ne peut donc pas consciemment, c'est-à-dire que la psychologie de l'homme ne peut pas décider que l'homme va évoluer. La psychologie de l'homme ne peut que jouir, que se béatifier de l'évolution de l'homme. En se disant que c'est grâce à elle. Une chance que j'ai été, j'avais peur d'y aller, une chance que j'ai été, bel imbécile, t'avais peur d'y aller, t'as failli empêcher ça. L'énergie mentale était assez puissante pour t'amener même sur la peur. Là, tu te dis, une chance que j'ai été pareil, j'avais peur, mais je me suis contrôlé. Non, tu t'es fait contrôler, puis ton énergie mentale était dans un état vibratoire où, malgré ta peur d'imbécile, tu es allé pareil. Puis là, tu as pu vivre. Puis après que tu as vécu ça, tu te dis, ben, hey, une chance que, tu sais, bon, c'est toujours la même affaire. C'est votre état psychologique. L'énergie mentale est pas assez énergisée, votre état psychologique l'est extraordinairement, ben, vous êtes en train de danser quelque part, vous sortez avec une fille, puis vous l'enfantez. Quelle décision vous prenez? Lorsque vous êtes en colère, vous criez après quelqu'un, où est la personne qui prend ses décisions? Elle n'est pas là. Le contexte prend une décision pour vous. Après ça, vous dites, ben, ma parole a dépassé ma pensée. Qui était partout de toilette pendant qu'il fallait qu'elle soit là. Bon. Alors, ce qui fait que l'homme croit prendre des décisions. Alors, vous ne pouvez pas améliorer votre évolution égoïquement. Ce n'est pas un désir de l'homme. L'ego ne peut qu'avoir l'illusion qu'il décide. Alors qu'en réalité, ce sont les mécanismes qui permettent l'action qui décide. Vous êtes prêt énergétiquement à faire telle chose, l'ego se dit « je décide ». Mais l'ego qui décide pas, ça va se faire. Et si l'ego il est moindrement fin, ben quand ça marche, c'est parce qu'il a décidé, puis quand ça n'a pas marché, il a été manipulé. Est-ce qu'il y a une différence d'état entre le fœtus et l'animal qui se met en hibernation? Non. le fœtus, l'animal est en hibernation, c'est simplement un animal qui baisse son métabolisme, qui le rabaisse de façon à pouvoir survivre avec le minimum de besoins. Le fœtus, par contre, nécessite un immense apport de besoins, apport nutritif. La mère ressemblerait beaucoup plus à l'animal en état d'hibernation que le fœtus. Parce que la mère est obligée de tout laisser aller pour pouvoir nourrir le fœtus. Et si la mère manque de quelque chose, le fœtus n'est pas en hibernation, il va en souffrir. Alors, il n'y a vraiment aucun lien entre les deux. Le fœtus est une dynamique d'énergie qui nécessite extraordinairement de l'énergie matérielle et vitale. L'énergie vitale va être amenée par la mère, ce qui fait que la psychologie de la mère est importante parce qu'elle n'influence pas sur la psychologie du fœtus. Je le répète que la psychologie du fœtus va être reliée au personnage réincarnatif qui va l'habiter. Par contre, réincarnatif, évidemment, au niveau de l'astral. Par contre, sa psychologie à la mère, son émotion, va puiser dans sa réserve d'énergie vitale pour s'exprimer. Et puiser dans l'énergie vitale, là, elle nuit au fœtus. Ce qui fait donc que lorsque la mère a des perturbations émotives, cela nuit à l'évolution du fœtus parce que le fœtus a besoin d'énergie vitale et il en manque. Il a besoin d'énergie matérielle et encore là, l'énergie émotive perturbée de la mère peut lui en ôter. Alors la mère peut finir par ne pas assimiler suffisamment le calcium, le fer, etc., ce qui va nuire à l'évolution du fœtus. Alors, en réalité, ce n'est pas parce que la mère a une psychologie qu'elle va colorer la psychologie du fœtus. Par contre, elle va puiser dans ses réserves vitales pour pouvoir exprimer, être en colère, avoir peur. Donc, elle se sert de son système endocrinien. Elle mobilise toute l'énergie vitale et les correspondances physiques qui est le système endocrinien pour pouvoir exprimer son émotion. Et le fœtus en souffre. On remarque à soi que dans tout ça, finalement, toutes les erreurs, que ce soit génétique ou à quelque niveau que ce soit, c'est toujours par ignorance ou par manque de conscience. Non. Non? Parce que l'homme n'a pas le choix. C'est pas de l'ignorance, c'est que l'homme n'est pas suffisamment évolué pour évoluer suffisamment. Mais présentement, l'homme est presque suffisamment évolué pour pouvoir évoluer suffisamment. Ouais, c'était ça ma deuxième partie, c'était est-ce qu'il va exister à un moment donné une science de la conscience ou de l'énergie, finalement, qui va être... Il ne devrait exister que de science que dans l'intelligence mentale des individus qui veulent concevoir et non pas dans un cadre moral ou philosophique qui peut s'appeler science ou médecine ou etc. ou technique qui va devenir prendre des individus pour leur expliquer comment concevoir. Là, ça, c'est stupide. Les individus qui sont manipulés par ce cadre ne sont pas des bons créateurs. Ils ne pourront concevoir qu'un enfant assujetti à un cadre sociétaire, par exemple. Bon, la personne qui veut concevoir doit le faire de par son évolution. C'est-à-dire que quand tu comprends l'intelligence, pas même parce que tu l'as appris que tu y crois, là. Ça, c'est une stupidité d'un enfant au plus simple des croyants. Il va croire que tu es intelligent, puisque tu te rends compte que tu es animé comme les autres. Bon. Alors, ce qui fait que tu dois comprendre les mécanismes qui régissent l'intelligence de la conception et non pas le suivre dans un livre. Ça peut être bon d'avoir un livre. Ça peut faire mieux comprendre les choses. Mais c'est pas parce que on a une science qui va obliger ou qui va dicter la conception de l'enfant que l'homme va devoir concevoir. Cette science-là, il ne faut pas